J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est gratté la chatte, mais violent! Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast un peu particulier car malheureusement Adrien Méniel ne sera pas dans cette émission. Quelle ordure. Pour des raisons toutes simples de Jean-Claude Van Damme. Voilà, il était invité à une avant-première de la série de Jean-Claude Van Damme et j'étais invité. Enfin, il m'avait mis en plus un et je lui dis mais non mec, on a Floodcast. Il a fait. Ah ouais, effectivement, on a Floodcast, ouais. Et il y est allé. Et moi, j'ai dit non, jamais je ne raterai un Floodcast. Les auditeurs, ils aiment trop quand il y a des Floodcasts. Je suis entouré de trois invités. Tout d'abord, Je commence par Alison Wheeler. Oui. Bravo. Oui. Bonjour, bonsoir. Alison Wheeler, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ah ouais, je Toujours. Déteste faire ça. Ah merde, veux-tu que je te présente? Comme les Miss France. Peux-tu que je te présente pour les gens qui ne te connaissent pas? Moi, en je mangeant. Mange des pistaches. D'accord. Non, je ponctuerai. Très bien. J'ai des trucs que tu veux pas les, que vas-y. Vas-y. Tu veux peut-être, français. Tu vas sûrement me couper sur les trucs que je dis peut-être. Ouais. Alison Wheeler, oui. Comédienne et également auteure, mais surtout comédienne. Oh. Nous avons pu te voir dans différentes choses au studio Bagel. Oui. Tu as joué dans beaucoup de. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Le sketch. Oui. Tu as joué au cinéma dans des films tels que Going to Brazil et Loue-moi récemment, en tout cas. Voilà. Et tu as joué bientôt dans le film de Pierre-François Martin Laval, Gaston Lagaffe. Enfin, c'est pas ça le titre, mais en tout qui cas, c'est en avril. Le film sur Gaston, en tout cas. Ouais. Tu es également chroniqueuse chez France Inter, ouais. Dans l'émission de Nagui qui s'appelle La bande originale. Exactement. Je suis tous les mercredis. Très bien. Par contre, tu sais, ici, c'est pas les micros de France Inter. Il faudra que tu parles bien ah, devant le micro. Ouais, c'est, on a moins de thunes que Nagui. Ah, excuse-moi, madame. Moi, j'oublie pas les paroles, au moins. Et donc, quoi d'autre oh. Et tu as été Miss Météo aussi, au Grand oui. Journal, quelques années. Bien enfin, sûr. Voilà. J'ai oublié. Ah t'as non, pardon. Dire. J'ai tout dit. J'ai tout dit. My God, tu as tout dit. J'ai tout dit. Si bien. Ah, et de mémoire, merci. En plus, t'as rien noté. J'ai rien noté. Bon, tu sais, je suis flippant, tout simplement. Nous sommes également avec Timothée Auchac. Bravo. Oui. Bonjour. Bonsoir, on ne sait pas. On ne sait toujours on pas. On ne sait toujours pas. Timothée Auchac, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah, j'ai fait beaucoup de moins de choses. Ça c'est sûr. Non, c'est faux, c'est absolument faux. Je réalise et j'écris des contenus. Voilà, en ce moment, je réalise et j'ai écrit et réalisé une série qui s'appelle Calls. Calls, voilà, qui est sur voilà. Canal. Voilà, ouais, sur Canal Plus décalé. Canal Plus décalé. Tu as fait aussi des trucs qu'on a pu voir sur Internet. Oui. Voilà, des courts métrages sur Studio Movie et sur ta propre chaîne d'ailleurs. Magnifique voilà, court métrage qui s'appelle Up Life. Up Life carrément et plein d'autres trucs super. On aura l'occasion d'en reparler. Des gens ont posé des questions à ce sujet. Nous sommes également avec Kian Kojandi. Oh, oh là là là. Bonjour. Kian Kojandi, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Kian Kojandi. Je suis un être humain de 35 ans. J'écris des blagues, j'écris des histoires. Je les joue sur scène ou des fois devant des caméras. Et j'écris sinon pour les autres aussi, ouais. pour mes potes, pour les gens que j'aime beaucoup. Timothée Auchac dit de moi qu'il est une personne formidable et un artiste incroyable. Pendant qu'Alison Wheeler disait qu'il a la douceur de vivre. Alors que Flaubert contredisait en disant et en même temps, je l'ai déjà vu tabasser un clodo. Non, c'est pas vrai, ok, c'est pas vrai. Et pour donner quelques titres, voilà, tu as écrit sur Serge le Mytho, ouais. Sur Bloqué, que tu as également réalisé ces deux programmes, ouais. Et aussi les gens t'ont découvert pour la plupart avec la série Bref. Exactement. Voilà, ça n'a aucun sens de le rappeler, mais je le rappelle, non, on ne sait jamais. Série Bref qui est maintenant sur YouTube, en intégrale. Gratuitement. Allez, on a mis gratuitement. Bah, en gros, tout ce que, je l'ai déjà dit avec Navo qui est venu la semaine dernière, mais gros, tout ce que vous avez créé est quand même dispo gratuit sur Internet. C'est quand même plutôt cool. On se bat pour ça. C'est quand même plutôt cool. Alors qu'on vous connaît avide d'argent, donc c'est vrai que c'est très surprenant. C'est très surprenant pour tout le monde, mais voilà, tout est gratuit sur YouTube. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. C'était cool. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Vous connaissez le podcast, je crois, donc déjà, merci aussi pour ça. On va commencer avec la première partie où vous conseillez à nos amis auditeurs des choses que vous avez appréciées dans le domaine du culturel. Des choses que vous avez aimées, que ce soit dans le cinéma, la littérature, le théâtre, la musique, des pages web marrantes ou des spectacles ou peut-être un dessin que vous avez trouvé joli, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez partager tout ce qui vous a plu. Je commence par Kikian. Est-ce que tu as quelque chose en tête? Non, Alison. L'honneur à Alison. D'accord, Alison, moi, peux-tu partager avec nous quelque chose que tu as apprécié récemment? Moi, j'ai vraiment surkiffé. Je suis dans une période un peu spéciale de ma vie où je ne sais pas pourquoi j'adore regarder des programmes un peu flippants où c'est des enquêtes policières ou des documentaires sur des meurtriers, des serial killers. C'est vraiment une fixation en ce moment. Et c'est une série de documentaires qui m'a inspiré ce truc-là. Ça s'appelle The Jinx. Et c'est sur la vie de Robert Durst. Et c'est sur, je crois que c'est sur 6 épisodes. Et en fait, c'est l'histoire, c'est un réalisateur qui a fait un film sur ce type qui s'appelle Robert Durst, qui était un riche héritier qui était inculpé pour avoir fait plusieurs assassinats. À ne pas confondre avec Fred Durst, qui est le chanteur de Limp Bizkit. Complètement différent. Ça n'a rien à voir. Il a chanté deux choses différentes. Complètement différentes. Il a très peu assassiné. Beaucoup moins. Il a Brigitte Lange, mais il a très peu assassiné. Et donc, ce type a été contacté par le vrai serial killer, enfin le vrai type qui est accusé de ces meurtres-là. Il a assassiné notre ennui. Elle vient un peu longtemps après, mais je la trouve assez jolie. Assez impactante. Il a surtout assassiné notre ennui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a jumpé? Fred Durst, ouais. Qu'est-ce qu'on a jumpé? Ouais. Moi, je n'ai pas du tout écouté ça. Moi, j'étais plutôt Montel Jordan, R. Kelly. C'était deux mondes. C'était notre Fred Durst. Des violeurs. Ouais. T'étais très fan de violeurs, je crois, Alison, à une époque. De lover et violeur, il n'y a qu'un pas. Donc, tout ça pour dire que ce riche héritier, il a contacté le réal de ce film-là pour dire « Attends, mec, j'ai adoré ton film sur moi, dans lequel il y avait Ryan Gosling qui jouait son propre rôle, alors que le mec est dégueulasse dans la vraie vie. » Il le contacte, il dit « J'ai envie de te donner une série d'interviews pour que tu t'intéresses à moi. » Et en fait, le truc incroyable dans ce documentaire, c'est que je ne dis pas, je ne spoil pas, mais il y a un twist de malade à la fin qui donne tout son intérêt au documentaire. En plus, tu découvres la psychologie des psychopathes qui est très proche de celle de tes grands-parents ou des gens que tu fréquentes dans la vie. Des grands-parents spécifiquement. Ceux d'Alison Wheeler, ceux d'Alison Wheeler. Non, mais c'est incroyable comme des gens... qui sont capables d'atrocités sont très normaux et ce sont des micro-détails qui font que tu dis ça c'est pas normal de dire ça. Ça, un humain ne dit pas ça, sinon t'as découpé ta femme. Parce qu'un humain dirait ça justement. Humain qui a pas un cœur d'humain. Voilà, c'est fascinant de regarder les interviews vraiment du mec qui est en train de mentir droit dans les yeux et tu peux l'analyser en fait. Tu le sais a posteriori, tu veux dire, tu sais a posteriori qu'il mentait, tu vois. Bah tu t'en doutes. Et ensuite, t'as soit la confirmation, soit pas. Et pas tout est dit non plus. Mmh. Mais c'est vraiment passionnant. Et même juste pour analyser la psychologie d'un psychopathe comme ça. Ouais. Enfin, un psychopathe, je ne sais pas. Mais ça se trouve, il est juste dérangé. Mais après, je me suis fait Mindhunter. Et après Mindhunter... La série qui est sur Netflix. Extrêmement malheureux. C'est-à-dire que moi, je me suis tapé toute la saison. J'étais pas bien. J'étais vraiment malheureux. Ouais. J'étais pas bien. Ouais, comparé à par exemple, je sais pas, les visiteurs, c'est vrai que beaucoup moins distrayant. C'est vrai. Et après, tu vas regarder les vraies interviews sur YouTube des vrais serial killers qui ont été donnés à ce gars-là, là, Bourgoin, Stéphane Bourgoin, qu'on embrasse. Et c'est hyper intéressant les questions qu'il pose pour arriver à des réponses et voir que les gars ont une psychologie hyper spécifique. Après, peut-être faites pas ça. Juste tout au d'une soirée, peut-être couper, peut-être entre-temps, voyez votre famille, faites des câlins. J'ai maté Making Murderer il y a maintenant 2 ans quand c'est sorti sur Netflix, à Noël. J'étais malheureux. Ça rend malheureux ces trucs-là. C'est vrai, ça influe vraiment sur le moral, ça te flingue le moral. Mais je crois que c'est fait pour, non? Je sais pas, j'avais appelé Navo, j'ai fait je me sens pas bien, c'est normal, tu crois? Et puis, ça fout le bas d'amour. Je fais, putain, ça me rassure. Ouais, c'est terrible. Moi, j'ai une anecdote avec Making of a Murderer qui n'est pas du tout drôle. Et le soir où j'ai commencé le truc, à un moment clé, il y a les keufs qui ont débarqué et mon voisin du dessus s'était suicidé. Non, mais c'est terrible parce que j'étais dans une ambiance morbide chez moi de par la série. et de par les bruits, il descendait un corps dans un sac plastique et j'étais là, oh mon Dieu, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, c'est plus fort que... Pardon Timothée, mais c'est plus fort que Cold là. Pour le coup, j'adore, j'ai enregistré ça, j'étais là. Mais t'as fait le signe du pistolet, genre il s'est suicidé au pistolet? Non, j'ai fait Joule. Ah oui, donc t'étais vraiment oui mode... oui, c'est fait suicider au PC, mais apparemment non, ça s'est arrivé il y a d'autres semaines, donc après je me suis dit putain, j'ai rien entendu. Ah, t'as dormi sous un mec buté pendant plusieurs semaines? Ouais, t'as dormi j'ai dessous rien vu. Oh, la... bah non, mais tu peux pas savoir, tu peux et pas... le pire c'est que j'étais obsédée par ces deux chats, parce que je sais qu'il avait deux chats. J'ai dit putain, mais qui va les prendre, c'est horrible. Alors que enfin ils ont sûrement un peu mangé pendant ces deux semaines, donc du coup fallait pas trop avoir d'empathie pour eux. Bah écoute, une bien belle histoire pour commencer un podcast comique. Je suis à présent désolé. Mais... en plus, en regardant Making a Murderer, tu peux très bien te dire que les gens vont remettre la faute sur toi. Ce sera toi la meurtrière. Mais chaque fois que je regarde une série, je tue quelqu'un. Ah oui, okay, ouais. C'est ton petit... ouais, tu binge-watch et tu tues. C'est ton petit hobby. C'est ta morning routine. Oui, j'ai une malédiction. Timothée. Oui, quel est le truc que tu as apprécié récemment et que tu veux partager avec nous? Bah, y a des trucs, mais en écoutant les derniers podcasts, il y avait des choses qui ont déjà été dites, dont The Young Pop. On m'en a parlé récemment. Ouais. C'est génial, c'est beau, c'est beau visuellement, et Jude Law est incroyable, et puis c'est trop bien. Mais on en a déjà parlé dans Metacanal. Non. Ah, suspense, t'as Canal, toi, Lisa, ou pas? Excusez-moi. T'as Canal ou pas, toi? Moi, j'ai pas Canal non plus. Non, non, tous les trois sur Canal. Moi, j'ai pas Canal non plus. Clairement, les personnes de moins de 35 ans n'ont pas Canal. Non. Je crois qu'ils font un truc là pour. C'est moins cher en ce moment, je crois. Une offre. Je crois que c'est 20,99€. Mais tu dis ça, c'est vrai ou pas? Je crois que c'est vrai. J'ai vu des. Non, acheter. Non, mais ouais, il y avait ça. Mais sinon, vu que t'en as pas parlé, on a parlé un peu Coco. Coco que j'ai vu très récemment. Le dernier Pixar qui est incroyable, qui parle de la mort. C'est Gad Elmaleh, le film de Gad Elmaleh. Wow. On est très morbide. Il m'a pas touché tant que ça, moi, ce truc-là. T'as pas pleuré à la fin de Coco avec Gad Elmaleh? Je me rappelle pas. C'est vrai que le titre est, puisqu'on en parle, pas terrible. Hein. Non, on aurait pu faire autre chose. Miguel. Mais pourquoi Coco alors? Bah, il le dit dans le film. Faut pas spoiler, mais tu le sais, ils le disent dans le film. Tu l'as vu en VF peut-être? Non, je l'ai vu en VO. Non, je l'ai zappé du coup. Ah merde, en gros c'est un surnom d'un des personnages. Ok, très bien. Et il fait « Ah, mi coco », voilà. Ah oui. Moi, c'était mon accent espagnol, je sais pas si vous l'avez apprécié. Vous pouvez le goûter comme un bon vin, vous le laissez un peu tourner dans son verre et vous pouvez l'apprécier. Non, très bon Pixar, moi j'ai pleuré comme une madeleine à la ça fin. Ça parle du deuil et de la mort d'une très belle façon et c'est très bien que Pixar fasse ça pour parler de ça aux enfants. Mais moi, je me suis dit, il faut jamais projeter ce que tu feras avec. Parce que tout le monde fait ça en disant, moi, quand j'aurai des enfants, puis après, tu retrouves les gens et vraiment, ils sont juste en train d'être pas heureux. Mais moi, je sais que je me suis dit, en voyant Coco, en me disant, putain, mais la culture mexicaine, c'est super intéressant, leur façon de voir la mort et d'expliquer la mort aux enfants, sans trop en dire. Mais en gros, c'est de dire qu'en fait, effectivement, il y a un au-delà. Et que ces gens dans l'au-delà ne continuent à vivre tant que tu te souviens d'eux. Donc c'est un truc métaphorique très beau et je trouve ça assez joli. Ouais, c'est très et beau. C'est pas pour le coup Pixar l'a pas inventé, c'est dans la culture mexicaine. Mais par contre ils inventent tout un univers autour de ça, exactement comme avec Monstres et Compagnie en imaginant ce qui se passe sous ton lit. Quand il y a un monstre sous ton lit, ils inventent tout un monde autour de ça. Bah là c'est pareil. Mais c'est comme dans Vice Versa quand il y a le clown, tu sais c'est pas une sorte de clown, mais c'est une sorte d'ami imaginaire. Ouais, l'éléphant qui disparaît dans l'oubli là. Ouais, ça c'est très dur. C'est la chiale, mais mec, j'ai chialé de ouf là-dessus. Incroyable. Ouais, bah Pixar. Enfin, aborde des thèmes qui sont quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire chialer hors du jour? Allez, Je veux que ça chiale. Non, très bon film Coco. Ouais, très très bon film. On vous invite à aller le voir. Tout à fait. Kian, qu'en dis-tu? Oui. As-tu consommé culturellement un petit truc que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Alors, je suis un peu en retard, j'avoue. Ce sont des œuvres culturelles un peu plus. Mais il n'y a pas date de péremption dans la culture. J'ai vu deux films, je suis en train de vraiment beaucoup plus. J'ai vu le film Papa de Maurice Barthélémy. Magnifique film, j'adore ce film. Qui est un film d'1h10. Ah ouais, c'est vrai qu'il est très court. C'est vrai qu'il est méga court. Il est très court. 1h10. Remarque, c'est bien ça. Et il y a une tendresse et un amour dans ce film. Shabba est juste le père que tout le monde rêve d'avoir. Oh là là. Même quand il est nul. Enfin, quand il fait des trucs un peu ratés, tu te dis, mais putain, c'est Shabba, quoi. Et c'est Shabba dans toute sa splendeur. On a un acteur incroyable en France. On a un gars qui est d'un amour et d'une sympathie très, très forte. Là, il a sorti Santa. Santa et compagnie. Qui est très, très, très, vraiment qui a son image, quoi. Qui est vraiment son... D'ailleurs, il a fait un Fast and Curious. Enfin, il a fait un Slow and Calmos. Ouais, c'est très drôle. Et on voit Shabba, quoi. Shabba dans toute sa classe. Mm. Et en même temps, de dire des trucs très trash, mais avec beaucoup de classe. Tu sais, toujours, il peut dire des trucs très... C'est vraiment notre Monty Python. Ouais, quand tu regardes les Monty Python, tu te dis ah, putain, nous, ouais, c'est notre anglais à nous. Et enfin, vraiment, je suis admiratif de ce mec-là. J'ai eu la chance de le rencontrer et je le trouve. Enfin, c'est la force tranquille, quoi. Hyper ouvert sur tout et tout. Vraiment, hyper ouvert sur les idées et tout. Vraiment. On aura l'occasion d'en parler à la fin du podcast. Il y a des questions à ce niveau-là. Et papa est super. Pourquoi t'as regardé ça? Mais écoute, c'est Flaubert qui me l'avait conseillé. D'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Oh. J'adore ce film. C'est Flaubert qui me l'avait conseillé, donc je l'ai acheté et je l'ai vu. Et c'est un film sur tout et rien. C'est sur un film sur c'est un road movie sur un père et son fils. Et si tu veux, le film parle de rien, donc c'est exceptionnel. Parce qu'il parle même la petite situation, il y a plein de choses et tout, mais l'essentiel c'est les silences et c'est l'image du père et tout. Enfin, moi je suis très attaché à ça. Et le petit vraiment... est bon aussi. Le petit aussi est bon. Magnifique. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui il doit avoir 18 piges, non? Mimicicu. il doit être. Oui, non, il est vraiment curieux, très très bon acteur le gamin. C'est ouf. Et même quand tu, alors moi je le connais, j'ai jamais croisé, mais c'est vrai que quand tu t'imagines encore plus à l'époque, Maurice Barthélémy, des Robin des Bois, machin et tout, tu dis ah, il fait ce genre de film aussi et c'est un film très touchant. Ouais, ouais, je trouve c'est vraiment réalisé. Maurice Barthélémy, pour les gens qui voient pas, c'était le petit chauve des Robin des Bois. Ah, je crois que notre commande à sushi arrive. Qui a également arrive. Réalisé bien, Les Ex. Oui, entre les autres. Et il a fait un autre film aussi, Casablanca Driver. Il y a pas Casablanca, c'est très drôle. C'est vrai. Donc voilà, Papa, qui est disponible, je pense, en DVD, c'est sûr. Je ne sais pas s'il est sur... Il est que sur iTunes. Il est sur... Ouais, il n'est pas sur Netflix, non, ou OCS, que ou tout sur... ça. J'ai dû l'acheter. Ouais, mais qui est un super film. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. Deuxième recommandation aussi. Ah, bah je t'en supplie, ouais, prends ton temps, t'inquiète. J'ai vu le film Lion. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oh, la BO de ce film. Ouais. Ouais. Joe Star, hein. Choix bizarre d'ailleurs pour un film sur des Indiens. Qui... T'imagines vraiment quand le train barre. Oula oh, bah, putain, c'est bizarre sur cette scène d'enfant qui se fait maltraiter. C'est bizarre quand même. Bon, après, c'est son parti pris. Hein. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Lion pour les gens qui l'ont peut-être pas vu ou qui voient pas de quoi il s'agit? C'est l'histoire d'un enfant indien qui part avec son frère pour aller dans un. Bon, ce sont des gens d'une, je pense, de la caste des intouchables. La lower caste. Mmh. Et du coup, ils travaillent sur les treks. Ils sont élevés par leur mère. Ils sont dans une petite maison dans un village. Et ils travaillent dans des champs. Ils ramassent des cailloux et tout. Et un soir, son frère doit aller sur un chantier ramasser des cailloux. Il dit non, je veux pas que tu. Le petit frère, dont c'est le héros du film, il dit je veux venir avec toi et tout. Je suis trop fort et tout. Et il dit non, tu pourras pas venir et tout. C'est trop dangereux. Finalement, il le convainc. Ils vont à la gare. Et tu sens que le gamin, il est trop fatigué, en fait. C'est un enfant, quoi. Par rapport à son frère qui a 12 ans, lui, il a vraiment 6 ans et il s'endort. Il dit, bon, bah, tu dors dans la gare, je viens te chercher plus tard. Et du coup, il se réveille 3-4 heures après et il cherche son frère. Et son frère s'appelle Goudou. Ah, ça, c'est moi, très dur. Pas. Moi, je peux Goudou. Pas. Cette phrase, vraiment, Goudou. Là, le Goudou, il est... en plus, ils Goudou. L'ont bien abusé, quoi. Donc, vraiment, il y en a 8 d'affilée. Tu dis, putain, c'est trop touchant, son Goudou. Ouais. T'as la même sensation quand tu regardes Le Roi Lion. J'ai oui, c'est le ça. Même truc. T'as l'impression d'un petit papa, chaton. Réveille-toi. C'est terrifiant. Papa. Avec la patte. Ouais, avec papa. La grosse patte. Papa, allez. Mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, en plus. Et du coup, à un moment donné, donc, le gamin rentre dans un train et le train part et fait à peu près 9000 km. Mais ce qui est beau, c'est déjà, vraiment, je me souviens, la musique, déjà, vous pouvez la mettre le matin en vous réveillant, c'est extrêmement agréable. C'est Sia, non, la BO? Alors, Sia, il y a un titre, je pense que c'est plus un titre commercial, tu sais, avec la, pour le générique de fin. Pour, bah, ouais, comme Santa et compagnie, on y revient. Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de films. Ouais, c'est un peu le placement un peu d'artiste qui marche bien en plus dans le film, qui donne un peu la patate et tout. Vous savez que c'était moi, Sia, ou pas? Wow, oh, sérieux? Okay. Ouais. Ah, bah, c'est un scoop là quand même. Ouais, t'aurais dû me le dire. J'avais pas envie de le dire avant. Ah, tu le dis là? Oui. Bah, j'aurais dû le mettre sur Twitter, c'est dommage. Mais maintenant que tu me le dis, mais ça m'étonne pas. Ce qui est en plus extraordinaire, c'est que je suis Banksy, moi. Donc en plus, c'est vraiment. Ouais, je suis Banksy. Tain, non, je vous jure, je suis Banksy. Ouais. Qui sont les Daft Punk? D'ailleurs, faites le mur, les gars. Hein, bah, on est juste là, on est les Daft Punk. Oh, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Vous voulez dire que c'est un podcast avec les Daft Punk, Banksy et Sia? Ouais, normal. Putain, la vache, j'espère que les gens vont l'écouter celui-là parce que la vache, on a mis du monde là. Mais c'est maintenant que tu me dis, quand je t'écoutais sur France Inter, je me dis, mais c'est Sia? Et non. Ouais. Non, c'est pas Sia. Bah non, Nagui dit que c'est Alison Wheeler, donc ça doit pas être Sia, mais. C'est impossible que ce soit Sia. Il sait pas, il l'a jamais vu. Non, mais je recommande d'écouter la BO de Lion après l'avoir vu, déjà, parce que c'est chargé d'émotions. Et quand j'adore écouter une BO après avoir vu un film, parce que tu gardes l'émotion du film et tu kiffes, quoi. Représente, par exemple, la musique de comment ça s'appelle, de Lion. The Rock. Ah oui, bien sûr. Celle-là de Hans Zimmer, ouais, ouais. Qui a fait 4 fois la même mélodie sur d'autres films après. Oui, mais elle lui va bien. Ouais. Elle lui va très, très bien. Moi, j'étais déçu. Je suis allé voir en concert Hans Zimmer. Et bon, je sais pas, bêtement, je me suis dit, peut-être il va faire The Rock. Non, il n'a pas fait The Rock. Il n'a pas fait The Rock. Hummel Get Rocket, fait, ouais. Elle est folle, cette chanson. Non, en fait, vu que maintenant, il a une énorme carrière à base de Christopher Nolan et machin, oui, il préfère faire ça. Après, il a fait Le Roi Lion et il y en a une, elle m'a fait un peu La Petite Larmichette, quand même. Ouais. Une chanson, ouais, celle où vraiment, quand il y a le Mufasa dans les nuages et qu'il fait « Tu m'as oublié ah, !» Il fait « Mais chaud. Non, mais papa, je t'ai pas oublié !»« Tu m'as oublié en oubliant qui tu es, je suis Jean Reno !» Donc, voilà, wow. ça m'a fait « Ouais, qui je suis ?»« Je suis Jean Reno !» Mais oui, tu m'as vu dans Les Visiteurs. « Je suis Jean Reno !» Oui. Tu m'as vu dans Les Visiteurs et Léon. Ah oui, non, mais c'est vrai. pas un peu comme ça, Jean Reno. Il est très inspiré. Par contre, Jean Reno, à l'enterrement de Johnny, grosse classe. Il a fait un poème de Jacques Prévert qui a été choisi par les filles de Johnny, je crois. Ouais. Et qui m'a vraiment bouleversé. Poème, Jacques, allez voir ça, le poème sur les escargots de Jacques Prévert. C'est vraiment, c'est une humanité, d'une simplicité, d'une naïveté. Ça fait du bien. Mais c'est vrai que ça prouve que même les acteurs qu'on peut se moquer d'eux, genre, ah, il est devenu un tel, il est devenu comme ci, comme ça, quand. Ça peut toujours te mettre une claque, un bon acteur. Ah ouais, c'est vraiment, c'est un truc. Il a deux escargots. Il le fait vachement bien. Il a vraiment joué, non ? Non, mais il le dit. Il a une émotion. Il est chargé d'une émotion. Il est venu avec un costume déjà de lion. Donc mais c'est même plus l'acteur. C'est même plus l'acteur. C'est un gars qui a perdu un pote et qui est bouleversé, quoi. Du coup, avec toute sa manière de dire le texte, et c'est un moment humain fort. Bah moi, je voulais vous conseiller Coco, mais donc Timothée l'a déjà habilement fait. Donc je le reconseille. Et pour le coup, ça joint un peu ce que tu dis, Kian, parce que moi, je réécoute la BO derrière. Elle est vraiment cool. Oh là là. Et, c'est Sia. C'est Sia. Écoute, c'est fou. Elle est vraiment partout, Sia. Non, c'est les acteurs qui chantent. Ouais, c'est ça. Gabriel Garcia Bernal. Bien joué. Trop dur à dire. Trop de G. Non, mais du coup, je vais vous conseiller. Je l'ai vu aujourd'hui. Alors après, les gens, la magie du différé, pour vous, c'est sorti déjà il y a une semaine. Le spectacle de Judd Apatow sur Netflix. Alors, c'est bien. Eh bien, écoutez, si vous êtes féru de stand-up et que vous en regardez souvent. Je suis féru. T'es féru. Eh bien, alors peut-être tu vas pas trouver ça extraordinaire parce que c'est vraiment. Bah déjà, c'est son premier une heure, en fait, même si c'est Judd Apatow. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, réalisateur de 40 ans toujours puceau, en clock mode d'emploi, This is 40, il a réalisé Trainwreck d'Amy Schumer. J'ai adoré le film. Et il a produit... Ce film est mortel, Trainwreck. Incroyable. J'ai vu dans le temps de l'avion, ça m'a éclaté de rire. Ouais, il est vraiment bien et il a produit 1 milliard d'humoristes géniaux, Les Lonely Island, Key and Peele, Kristen Wiig. Est-ce que tu t'es dit que tu t'en attendais trop quand tu l'as regardé? Non, parce que moi, j'ai adoré. Parce que moi, je ne suis pas très calé en stand-up. Je regarde vraiment les trucs très connus. Mais, oui, moi aussi. Et en fait, le fait est que, quand je dis, si vous êtes férus de stand-up, vous avez peut-être moins aimé, c'est qu'au début, il ouvre avec des blagues qui peuvent sonner un peu faciles. Moi, je trouve qu'il les vend super bien. Après, pas son métier. Aussi, c'est ce qu'il explique. Quoi. C'est ce qu'il explique. Il raconte qu'il a fait du stand-up tout jeune et qu'en fait, il était coloc avec Adam Sandler et qu'il s'est dit, bon, je vais écrire plutôt que jouer mes blagues. Parce que vraiment, je peux écrire pour Adam Sandler. Il est meilleur que moi, quoi qu'il arrive. Et aussi, il raconte qu'il était en première partie de Jim Carrey pendant un an. Et après, il s'est dit, bon, en fait, peut-être je suis pas au niveau. Et donc, du coup, il a arrêté. Mais son spectacle est vraiment bien. C'est juste que, par exemple, il commence en parlant de ses filles qui sont fans d'Instagram. Et lui, il est complètement à la ramasse là-dessus. Donc, au début, tu dis, ah, ok, des blagues un peu stand-up, quoi, entre guillemets. Et après, en fait, il raconte des anecdotes avec des photos qui sont vraiment très drôles. Et après, il parle de cul. Et puis, il parle aussi, il fait plein de blagues sur son propre cinéma. En disant que les gens lui disent que les films sont trop longs. Ah, c'est vrai. Ouais. Putain, c'est vrai, ils sont trop longs. Il fait des blagues là-dessus. Il fait, ah ouais, bah dans Harry Potter, ça dure 3 heures aussi, mais personne. Enfin voilà, il fait des trucs là-dessus. Et sur le fait qu'il y a toujours. Il a une blague qui est marrante où il dit, bah tout le monde dit qu'à chaque fois, dès que je fais un film, c'est un petit mec dégueulasse qui se tape une putain de bombe. Il fait, mais moi, regardez ma femme, vraiment, c'est normal que je croie à ce genre d'histoire, quoi. Voilà. Donc il parle de. Ah bah oui, mais il est pas mal. Judd Apatow. Ouais. Bon, il est un peu barbu, il a des grosses cernes. Il te ressemble un peu. Ouais. Voilà, après que j'ai dit 1000 trucs pas ouf sur lui. Mec, c'est la magie de la radio, j'attendais que tu finisses ta phrase. Par contre, je voulais dire avant et tu l'as dit après. Comment s'appelle le dernier film qu'il a fait là sur l'humoriste j'ai oublié son nom. J'ai pas kiffé ce film du tout. Alors peut-être qu'il l'a produit, peut-être, parce que le rien qu'il a réalisé, c'est Trainwreck. Non, il l'a réalisé. Il a fait Michel Labunvi. Vous m'énervez, je vais le trouver et vous allez arrêter. Non, parce qu'il a produit le film des Lonely Island qui est sur un humoriste qui est dans le film chanteur, un faux documentaire qui s'appelle Popstar. Non, c'est pas ça, Alison. Non, parti sur. Absolument parle pas mieux, ça. Je vais te balancer un truc à travers la gueule. Beaucoup mieux. Bon, alors je finis en tout cas sur ce spectacle que je vous conseille, qui est vraiment drôle. Et voilà, et moi j'ai vraiment kiffé son spectacle. Quoi. C'est vraiment bien. Et puis c'est toujours plaisant de voir un mec qui écrit et réalise des films depuis maintenant bientôt 20 ans, je pense. Mm-hmm. Parce que 40 ans toujours plus haut, c'était début 2000, peut-être un peu moins quand même. Qui se remet en question parce que c'est vraiment le stand-up, c'est un art de remise en cause en permanence parce que c'est terrible, terriblement stressant, surtout si ça fait 20 ans que t'as pas fait de stand-up. De monter sur scène, c'est voilà, je parle en connaissance de cause. J'ai pas fait 20 ans, j'ai fait une pause de 2 ans Et déjà, tu l'as senti. Ouais, quoi. Je l'ai senti vraiment violent, le stress. Ouais, ouais, là, il la joue, c'est un Montréal, au Just for Love. Ouais, bah et, ouais. Et c'est. Ouais, non, il y a des trucs vraiment bien. C'était cette année d'ailleurs. Ouais, ouais, il l'a fait vraiment il n'y a pas longtemps. Et voilà, et par exemple, moi, je trouve que c'est aussi ça la saveur des très bons humoristes, c'est qu'il arrive à être drôle sur des sujets où tu dis, moi, ça, il y a 1000 humoristes qui l'ont fait. Et ça te fait quand même toujours marrer. Ah, okay. Et ça, c'est assez fort aussi de faire ça, quoi. Il a tout un truc sur. Les téléphones portables? Non, mais sur le. C'est vraiment. Bah, sur les différences hommes-femmes. Ouais, bah, tu rigoles, mais il fait un truc sur le sexe où il raconte que les meufs ont quand même moins de pression parce que jamais une femme va dire oh non, merde, je vais jouir, oh putain, je vais jouir, attends, je vais jouir. Et tu vois, c'est un truc. Une bonne vanne. Tu vois, c'est vraiment une bonne vanne. Et il a un truc aussi marrant sur les acteurs. Il dit tout le monde, les mecs sont tout le temps stressés de jouir. Même les acteurs porno, regardez leur gueule. Et donc, il fait une grimace sur les acteurs porno qui sont toujours avec les sourcils froncés et les dents serrées. Et même eux, ils sont stressés. Quoi. Non, donc, ça, voilà. C'est une vanne de Tomer Sisley. Ça se fait pas. En tout cas, voilà. Respecte un peu. Je vous invite vraiment à regarder ce spectacle. C'est sur Netflix, comme tout ce que je conseille chaque semaine. Mais c'est vraiment très drôle. Et si vous êtes fan de Joe D'Apato, c'est d'autant plus savoureux. Et est-ce que tu as trouvé ton truc ou pas, non, Alison? Non, mais je cherche et je vais m'isoler dans tu une tu trouveras jamais, parce que vraiment, je suis sûr de ce que je dis. Et son dernier film, c'est Trainwreck. C'est l'histoire d'un jeune homme indien qui tombe amoureux. C'est, il l'a produit, c'est The Big Sick. Voilà, c'est ça que je n'ai pas aimé. Et bien, tu ne l'as pas aimé, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas sorti en France. Mais c'est ouais. Un gros succès aux États-Unis. Fais-toi une raison. Non, mais en fait, le truc est nommé aux Oscars, est, donc est je me permets triste. De te calmer. Non, oui, il est beau, mais il est très triste. Bah, Joe D'Apato, moi, je trouve qu'il y a une vraie tristesse. Moi, un de mes films préférés de lui, c'est Funny People. Et c'est oui. Vraiment un film déprimant. C'est oui, mais là, préféré. Je trouve qu'il y a quand même une majorité de tristesse dans son film. Bah, je ne l'ai pas vu. Donc il m'a perdu là-dessus. Je le regarderai avec grand plaisir. Mais c'est genre triste nul ou triste. Non, triste, triste. Et tu te dis, oh, j'étais pas venu pour ça, je me suis fait avoir. Et il y a des fois, j'aime bien me faire avoir, genre, mais là, ça comme la saison 3 de L'année des Garçons. Oui. Exactement. Ouais, j'ai la même sensation. Putain, on s'est tous fait avoir. On va passer à la deuxième partie du podcast qui est on échange sur un thème. Alors, je ne savais pas trop sur quoi vous lancer. En fait, je commence à être un peu à court. Ça fait quand même pas mal d'émissions qu'on fait tous ensemble. Et, ça m'étonnerait que tu sois à court. Bah non, mais en fait, même D-Fool, en vrai, il parle un peu tout le temps des mêmes choses. Et je me suis dit, mais attends, D-Fool, ça fait 45 ans qu'il fait de la radio. Il veut tourner cette putain de carrière roulette. Et il continue à parler de cul avec des gens. Eh ben, je vois pas pourquoi. Je pourrais pas reparler de sujets que j'ai déjà traités dans Floodcast, vu que les invités, en plus, changent souvent. Le cul n'a pas de fond. Et je me suis dit, pourquoi pas parler rupture. Non pas rupture de frein ou quoi que ce soit, mais rupture amoureuse. Je me suis dit que c'était un puissant fond. Mais écoute, j'ai vraiment hâte d'écouter votre histoire. Je n'ai jamais été largué. Je n'ai jamais... Non, mais parce que voilà, c'est ce que j'envoie toujours un petit texto aux invités avant d'enregistrer. C'est ce que je dis dans le texto, ça peut autant être largué, que observer des largages autour de vous, que ce soit amis, famille. Le sujet est vaste. Alison, est-ce qu'on pourrait pas commencer par toi? Ouais. Je crois que tu as une petite anecdote à partager moi, avec nous. Moi, j'ai pas d'anecdote de rupture. En revanche, je veux bien larguer mon mec en direct. En différé. C'est-à-dire que là, toute la semaine, tu vas attendre avec lui. Tu as déchargé le podcast ou pas? Pour une savoir. Vanne. Pour une mauvaise vanne. Tu sais, là, il fait genre, regardez, Michel a une vie, c'est drôle ça. C'est pas ça, je rigole à la blague là. Après, il continue, tu vois, son visage se décompose. Non, je n'ai pas vraiment d'anecdote. En revanche, je me suis dit, c'est bizarre quand tu... Ah, Siri, si se déclenche. Ouais, Siri. En revanche, quand tu romps ou quand tu te fais larguer, il y a un truc social qui est étrange qui veut que tout le monde veut que tu ailles bien très vite. Oui, c'est vrai. Et tout le monde te dit, non, mais il faut que tu tournes la page, ça va bien se passer. Et je trouve ça génial qu'en fait, tu aies un ou deux amis qui te disent, vas-y, je vais t'aider à déprimer. Et bien kiffer ta déprime, c'est un truc narcissique que tu kiffes quand tu déprimes. Moi, des fois, je pleure tellement que c'est très étrange. J'ai une personne au-dessus de moi qui est un double de moi en lévitation qui se dit « Putain, tu pleures trop bien. Faut trop que tu fasses ça au cinéma dans ton prochain rôle. Oui, » Pense à cette rupture. Ça vous le fait ou pas? Bien sûr. Et tu te surprends à te lever, à aller te mater dans le miroir pour voir comment t'es quand tu pleures. Comment je suis là? Comment? Ouais, c'est bien. C'est super. Ouais. Et tu dis « J'y arriverai jamais à repleurer comme ça, c'est dommage. » Bah moi, je suis pas acteur, mais c'est vrai que j'ai ce truc de... J'aime bien, des fois, déprimer, vraiment. Genre, vraiment mater un vrai truc triste. Mmh, mais tu l'actes avec toi-même. Ouais, en te disant, ah, je vais voir un vrai truc qui me rend malheureux. Ou même, bah justement, après une rupture, vas-y, je vais bien écouter la chanson qu'on écoutait. Ouais. Ça va bien me rendre triste. Lire des textos. J'ai pleuré une fois. J'avais suivi une meuf dans un pays étranger. Elle m'avait têche et tout. Je l'avais rejoint, elle avait invité à la rejoindre et au final elle est partie et elle m'a laissé tout seul. Mm-hmm. On peut juger que c'est dur, c'est un peu dur, mais du coup j'ai serré les dents, puis à un moment donné j'arrive dans un une auberge de jeunesse et je me pose sur le lit. Mmh. J'ai réussi à trouver un logement parce que sinon j'allais dormir dans la rue. Tu vois, vraiment, c'était bizarre. C'était vraiment la tension, quoi. Genre, j'étais. Ah. T'étais dans un film français. Et j'ai pleuré. Ouais, non, mais j'ai pleuré, mais comme un gamin. Mmh. Mais vraiment, j'ai pleuré. Et j'ai pensé, putain, c'est beau. Ouais, tu vis un moment t'as beau. T'as eu ce personnage ouais, en lévitation ouais, j'étais ma tête, extrêmement triste et je me suis dit, putain, c'est un beau moment. Ouais. Ouais, et il y a un mec qui est rentré et il rentre dans la chambre, il fait ça. Je crois que c'était un Suédois ou un Allemand, je sais plus. Il vient me faire ça. Ah, mec, je viens de me faire larguer, je crois. Il me fait dude. Vraiment, le gars avait compris. Il avait compris. Il y avait que de la bienveillance dans son dude, that's life. Le bon gros. I know that feeling. Yeah. Il est venu breaker ta dépression. Il est, non, mais il m'a mis la main sur l'épaule. Il a fait exactement ce que n'importe quel être qui sait ce que c'est que se faire larguer aurait fait. Et. C'est pour ça que je trouve que, en revenant sur des films d'animation, Vice Versa parle de ça très bien aussi, d'accepter la tristesse. Ouais. Et de donner ce côté où la tristesse, ça te fait avancer. Et c'est même parfois cool. Ah enfin, oui, c'est très important d'accepter la tristesse. Ouais, t'as raison. Et oui, et il faut l'accepter aussi plutôt qu'essayer de tout le temps la fuir ou vouloir la battre. En fait, ouais, c'est très agréable de se prendre la enfin je sais pas si ce que je vais dire est scientifiquement prouvé mais tu peux te sentir très très bien après une grosse crise de larmes comme une grosse crise de rire quoi c'est vrai, t'es c'est vidé carrément. T'es voilà t'as ton corps est un peu ouais. Nettoyé quoi ouais, moi je connais quelqu'un vomir. Voire même vomir ouais, vomir des fois tu dis ça fait pas vomir tu sens trop bien bah si faut que ça sorte la dernière fois c'était il y a 10 ans j'ai vomi j'étais ah trop bien enfin, vraiment c'est un vomir j'étais en mode pendant le vomi quoi pendant le vomi j'ai plus jamais revomi après quoi non mais les gens qui font des crises d'angoisse ou des trucs comme ça souvent quand ils pleurent bah la crise est passée quoi le truc a un peu a quitté leur corps et ça leur fait du bien quoi non faut pleurer ouais on n'est pas fait pour aller bien tout le temps juste vraiment d'avoir un pote qui accepte quand ça va pas, de te dire, ouais, effectivement, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, tu t'es laissé aller, t'es chum, acceptez-le. Viens, on va chez toi, on écoute Jacques Brel pendant 4 heures, genre que les 5 plus connus de Jacques Brel, et on chiale. Ouais. Une fois où, après une rupture aussi, un pote m'a dit, ce soir, tu vas dans ton lit, tu chiales tout le temps. Ouais. Tu chiales vraiment, on repense à tous les trucs qui te font chialer. C'est faut vraiment pas faire. Mmh. Genre à tout ce que les projets que tu avais imaginé et tout ça. Ah oui. Et tu chiales tout le long de la nuit. Ouais. Et demain matin, ça irait mieux. Et le lendemain matin, j'étais nickel. J'étais en tout le temps, cool. Ah ouais, vraiment nickel. Ah bah, je l'ai oublié. Non, bah, c'était pas comme ça, mais j'étais ça beaucoup mieux, quoi. Ouais. Ouais. J'ai chialé toute la nuit et ensuite, ça allait. Non, mais après... J'ai un pote d'humeur, il m'a fait « Viens, on va se faire sucer !» C'est ce que j'allais vous dire. Je fais « Pardon, mais vous n'êtes pas des héros de films américains. » Normalement, dans les films américains, genre « Mec, on va serrer des meufs. » Ouais. Concoude. Il y a Zac Efron dans ce film ou pas? Il peut apparaître à un moment. Ah. Et en fait, à un moment, Zac Efron va se rendre compte que lui aussi, il a jamais été amoureux. Ouais. Et il va dire à son meilleur ami, « Mais c'est toi qui avais raison !» Mais genre, ça, c'est dans le dernier acte, normalement. Et il a failli laisser filer la fille de ses rêves. Il la récupère, effectivement, à l'aéroport. Ouais. Oh. En fait, c'était sa meilleure amie. Et tu vois, j'ai envie de le voir, ce film. C'était sa meilleure amie. Et en fait, il se rendait pas compte qu'ils étaient amoureux l'un l'autre depuis le début. Que l'amour était en face de lui. Exactement. Ça, je kiffe ce genre d'histoire. Putain ! Et ben moi, je déteste parce que ça met dans ta tête des trucs qui n'existent pas. Jamais tu finis avec ton meilleur ami. Parce que t'as essayé de serrer ta meilleure amie. Quoi ? Mais comment t'oses dire un truc pareil ? Ça m'énerve vraiment. Non, mais je le dis parce que je sais qu'on a des jeunes qui nous écoutent. Si vous êtes meilleur ami, tentez pas. Bah, c'est peut-être pas obligé. Ça peut vraiment gâcher une très belle amitié qui peut vous nourrir déjà très bien en tant qu'ami. Hein. Ouais, on a tendance à mettre le couple au-dessus de l'amitié quand on est jeune et vraiment, faut pas. C'est pas... Tu sais, il y a une expression qu'on a avec Navo, c'est putain, si je te dis dans 10 ans, t'es plus avec ta meuf, tu me diras, ouais, c'est possible. Putain, 10 ans, on se parle plus, tu vas, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait complètement incroyable de dire, bon, je suis plus avec ma meuf, bon, ouais, c'est possible. Tu sais pas pourquoi, mais à un moment donné, ça marche plus. Mais avec un pote, tu dis ça, c'est inconcevable. Alors qu'en vrai, c'est possible. Complètement. Ouais, non, dans ma tête, je me dirais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais parce que là, tu parles de Navo. Oui, voilà, déjà. Non, mais parce que Navo, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Ami, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a déconné, quoi? Et est-ce que tu te dis pas, si jamais tu trouves vraiment une meuf où tu dis là, vraiment, bon, je vois les enfants, les trucs, tu peux. Enfin, je sais pas. C'est peut-être aussi l'affection que tu peux avoir avec la personne. Peut-être. C'est pas encore arrivé. Ouais. Enfin, c'est arrivé, mais de manière temporaire. Oui, voilà. T'as réussi à passer à autre chose. Voilà. Bah, j'ai pas réussi, j'ai été obligé, je pense. J'ai pas eu trop le choix. Je pense que c'est ça la rupture. Hein. T'as pas le choix. Voilà, c'est comme ça. le manque. J'ai un, moi, j'ai un, comment dire, j'ai eu une rupture. Ken, je crois que tu l'as déjà entendu parce que tu étais à la nouvelle scène quand je l'ai raconté sur scène, en fait, cette anecdote. Ah, je vais goûter d'avoir raté ça, dis donc. Bah écoute, je vais la raconter là, donc quelque ouais. part au final. Mais fais-la avec les blagues. Hein. Avec les rires. Je te les ferai avec les rires. Fais-nous rire, Flaubert. Non, en plus, elle est pas drôle parce qu'en fait, je l'ai raconté à la nouvelle scène pendant les premières fois de Yacine Bellous et c'était juste raconter une anecdote. Donc, elle n'a pas vraiment une spécificité comique, mais c'était important pour moi de la raconter. Ma première meuf, je suis sorti avec elle 2 ans et demi, et elle m'a quitté en me disant « je t'aime plus ». Voilà, qui était un truc que je n'arrivais pas du tout à concevoir, qu'on n'aime plus quelqu'un. Moi, j'avais... Je trouve que c'est la manière la plus noble de quitter quelqu'un, de dire « je suis désolé, je ne t'aime plus ». Oui, et puis tu ne peux pas en vouloir à c'est quelqu'un qui te dit. Violence. Plutôt que de... C'est comme... non, mais il y a des gens, c'est... imagine, tu as un appart. Ouais. Ils vont pas dire bon je quitte ce bail parce que je n'aime plus cet appart, ils vont prendre un seau d'eau et ils vont le jeter sur le parquet tous les jours jusqu'à temps que le parquet pourrisse bien et que tu te pètes la gueule un jour où tranquille tu marches, tu te réveilles et bam, tout s'effondre et tu te retrouves à l'étage d'en dessous. Non mais si tu et si le mec s'est suicidé au dessus, c'est vraiment parce que t'as le corps qui tombe, les deux chats, tout le monde. Là tu parles d'un mec qui saboterait sa relation si t'as bah, il y a des gens ils sabotent, il y a des gens ils aiment saboter pour avoir le beau rôle sans même s'en rendre compte, hein. Sans même s'en rendre. Les gens, il y a des gens qui préfèrent trop fait par l'acheter. Hein. C'est non, il y a des gens qui, il y a beaucoup de tromperies, enfin d'adultères, pardon, qui sont liés juste à un manque d'amour. Et en fait, c'est juste tu trompes parce que t'aimes plus trop aussi. Enfin, ouais, je dis pas que c'est ça à 100%. C'est hyper beau, mais je dis en plus, je dis pas que c'est ça à 100%. Il y a plein de gens qui trompent parce qu'ils ont des pulsions ou des envies, des besoins ou des trucs comme ça. Mais il y a aussi une partie de l'adultère qui est t'aimes plus ta ou ton compagne. Ton compagnon. Oui. Non, mais en tout cas, la personne avec qui tu partages ta vie. Et du coup, tu l'aimes moins et tu n'arrives pas à mettre des mots sur ça. Donc, mais je t'aime plus. C'est ce qui est dur, c'est qu'en fait, il y a pas de raison de du coup de détester la personne. Si elle te dit je te trompe ou si elle te dit je trouve que t'as trop changé ou si elle s'énerve beaucoup plus souvent et ou si tu te dis bon bah voilà quoi, c'est y a mais, un truc qui va moins. Je t'aime plus, il y a plus d'espoir quoi. Là quoi, je t'aime plus et il y a des fois un truc claque dans la gueule quoi. Genre tu le vois pas trop venir. Est-ce que t'as le droit de répondre si tu vas me re-aimer, tu vas voir. Attends, deux secondes. Patiente. Ouais, mais regarde, si je commence à jongler. Tu vas aimer ça. Non, mais en vrai, je pense que oui, ça existe de se laisser, une potentielle. Moi, ça m'est pas arrivé, mais une potentielle durée de. Bah, peut-être on essaye quand même de sauver cette relation. Là, tu m'aimes plus, mais peut-être que tu vas me re-aimer. Peut-être la phrase tu vas me re-aimer, elle est peut-être un peu ridicule. Ouais, mais dans un film américain avec Zac Efron, elle dirait. C'est vrai que je peux te re-aimer. Et le film s'appellerait Re-aimer, d'ailleurs. We love. T'imagines la pression de Jacques Brel si la meuf était revenue? Alors, t'imagines la pression, le mec il dit je serai l'ombre de ton chien, je serai l'ombre, je t'irai chercher des trucs. C'est de pas ouf. Une relation. T'imagines après la meuf elle fait tu peux aller me chercher un café? Elle fait vas-y, démerde-toi, c'est à côté. Il fait, je parle à l'ombre de mon lien, là. Je crois que l'ombre de mon lien, j'irai me chercher un café. Ok, d'accord, bon, ça fait yesh. moi, juste, je fais juste une parenthèse sur Jacques Brel. Il y a un moment où tu fais mec, t'as fait 17 prénoms de meufs dans tes chansons. Tu peux pas être aussi amoureux des 17. Non, mais attends, tu parles de Madeleine, Jacqueline ou Mathilde. Parce que là, vraiment. Mais après, je pense juste, la meuf, quand tu vois le live de Jacques Brel, et j'adore Jacques Brel, vraiment, je m'apprête à dire une blague sur lui, c'est pour ça. Je dis, j'adore Jacques Brel, j'aimerais dire une blague sur lui. Je respecte tellement, pour moi, c'est un mec hyper inspirant, mais je pense que la meuf, quand elle a dû voir, je fais mec, c'est pas tout ça, c'est tu transpires trop. Tu transpires beaucoup trop. Juste, voilà, c'est chiant pour qu'on baisse, c'est méga chiant. C'est vrai que s'il transpire autant sur une chanson, on baise. C'est la fois boulevard. T'es un mec super mignon, t'es adorable, j'adore Kita et tout, mais tu sues. Pour revenir à mon histoire, donc du coup, ma meuf de l'époque me dit je ne t'aime plus. Et c'est un peu dur, et j'ai du mal à l'admettre. Et du temps passe, et j'essaie de voir d'autres nanas pour continuer ma vie. C'était ma première meuf, hein. J'avais jamais couché avec une autre nana, et du coup, voilà, les meufs d'après étaient la deuxième, la troisième et compagnie. Et où il y a genre zéro lendemain. Et un soir, je couche avec une nana, et en fait, je me rends compte qu'à un moment, elle commence à faire continue. Et elle commence à trembler beaucoup. Wow. Et elle commence, et du coup, vraiment, je commence. Et en fait, elle avait un orgasme. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, un peu après, que j'avais jamais fait jouir une meuf, y compris cette meuf avec qui je suis resté 2 ans et demi. Oh, wow. Et je me suis dit, peut-être ça a joué. tête d'une meuf. Déjà, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a très peu de communication dans ce couple. Il y avait très peu de communication dans ce couple pour que jamais on se dise. Vous n'avez jamais de débrief. Elle jouit jamais quand même. Jamais de débrief. Non, c'était. C'est vachement bien les débriefs. C'était peut-être une crise d'épilepsie. Ouais, débriefer après. Après, le cul, c'est trop bien. Ça arrive souvent. Non, il n'y a pas de temps. Tu le sens, quoi. Il y a un timing. Tu dis, t'as aimé ça? Toi, moi, tu sais à peu près, comme ça, t'es pas dans une sorte de recherche de chorégraphie. Ah non, mais maintenant, moi, il y a un QCM à la fin, de toute façon. Moi, je donne une feuille, elle remplit, oui, non, comme ça, il n'y a pas de malaise. T'aimes pas, Issam, débriefer? Ouais, débriefer. Non, je trouve ça intéressant. Mais... On progresse, en fait, sur le coup d'après, vrai. Quoi. C'est vrai. C'est plus facile de faire plaisir à l'autre, ouais. Non? Faut trouver le bon moment, quoi, pour. Oui, non, mais c'est dire pas juste. Alors, t'as quoi? Parce que t'es censé. En fait, faut jouer le jeu aussi pendant l'acte de pas tout analyser, parce que si tu dis. Ouais, là, franchement, tu m'as insulté, tu m'as traité de grosse salope, ça se fait pas. T'as pas le droit de sortir du contexte. On est alors que moi, je me caresse le menton en disant tiens, quand je fais l'amour. Non, mais c'est vrai que moi, c'était une surprise, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai en mode comme à la fin de Sixième Sens, quoi, quand tu revois le film depuis le début, alors, et tu te dis oh putain, et genre vraiment, je m'en suis. Je vais pas envoyer de message, mais j'étais là, genre, parce que je voulais pas forcément reprendre contact avec cette meuf, là, de l'eau avait coulé sous les ponts. Mais j'étais vraiment genre, ah, mais oui, mais putain, évidemment, en fait, si t'as pas joui depuis le début de ta relation avec un mec, je comprends que, d'autant qu'après, j'ai appris qu'elle m'avait trompé, et je pouvais pas l'en vouloir, parce que j'étais là, genre, en même temps, vraiment, si j'ai jamais fait jouer, franchement. Mais c'est très fréquent, ça, cette histoire de ne pas trouver le vrai plaisir sexuel, de rester 2-3 ans avec une personne et avant de se dire, mais en fait, je me suis trompé, en fait. Enfin, je sexuellement, c'était pas ça, quoi. Ouais. Ça arrive à beaucoup de gens, et ben, ça arrive même aux hommes. C'est pas. Oui, oui, bien sûr. Des mecs qui prennent pas forcément de plaisir et qui sont plus. Tu sais, ils sont dans la quête de l'orgasme, absolument. Genre, il faut que je jouisse, c'est important, Tu sais, comme c'est Julia Pato qui dit ça. Mais c'est ça, c'est stressant, sans se dire, mais en faisant monter ton désir, tu peux quand même prendre du plaisir, tu vois. Et même, j'ai l'impression que c'est très classique. Ça. Ah ouais, de on ouf. Se met une telle, on a tellement peu de communication et tellement peu de. C'est une sorte de jeunesse de sexualité libérée, mais qui ne parle pas, alors que la base de la sexualité, c'est de parler justement. Complètement. Mmh. Ah bah, je te rejoins complètement là-dessus. Et en plus, il y a un autre truc. Parce qu'on est censé être une jeunesse libérée. Techniquement, ouais. Ouais, mais ouais, je pense que c'est pas si vrai. Ouais, je pense qu'il y a quand même un gros truc de mal faire, je crois. Je crois qu'il y a un gros truc de. D'être mal vu par la personne en face, de dire. Ouais, c'est être à la hauteur, quoi. C'est une performance où tu dis qu'il faut faire beaucoup, bien fort, qui kiffe tout de suite. J'ai un ami, je ne citerai pas son nom, mais j'ai un ami qui m'a fait une anecdote qui est très, très, très drôle. Adrien Méniel. Non. Non, je dis un ami. Oh. Ok. Non, je t'aime beaucoup, Adrien. Non, c'est. Il disait, j'étais en rendez-vous avec une meuf, et la meuf me dit. On discute et tout, et la meuf, elle dit à un moment donné, elle dit moi, j'aime quand le mec est bien dur. Et mon pote a pensé, oh putain, c'est mort. C'est mort de chez mort. Je ne pourrais jamais coucher avec elle. Je ne serai jamais à la hauteur. Elle m'a mis une pression de malade. Je ne serai jamais à la hauteur. En rendez-vous, elle dit ça, quoi. Ouais, bah ouais. Bah après, ça peut être un rendez-vous en mode. C'est ça qui était très bizarre, quoi. Après. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie. En plus, j'ai l'impression que c'est accentué par le côté. Après, peut-être je me trompe. Le côté Tinder et tout, en plus. Où tu te dis, ah, donc. La personne en face va sur Tinder, donc potentiellement, elle a souvent des rapports sexuels. Donc, est-ce qu'il faut que je sois machin et tout? Non, c'est parce que vous faisiez votre éducation sexuelle sur les cassettes de cul de vos parents. Il y avait un peu ça. Il y avait un peu de ça. Il n'y avait pas beaucoup d'explications. Moi, je suis plus génération encore magazine, mais après, c'est vrai. Magazine encore moins d'infos. Moi, ça bougeait moins. J'avais moins de gifs. J'avais plus des gifs de cul que des vidéos de cul. C'était trop long à télécharger au début. J'ai l'impression que ça commence toujours avec le magazine, peu importe. Bah, peut-être pas cette génération-là. Ouais. Mais moi, je suis plus jeune et c'était des magazines aussi. Ouais. Entrevue, FHM. Mais... Non, je te parle des vrais magazines. Guts, je parle là. Je pense à Koé. C'est le magazine de Koé, c'est ce que Guts, c'était le magazine de cul de Koé, exactement. C'est Koé qui s'est dit, pour le numéro 1, je vais mettre Carmen Electra et Victoria Silvestestestet, donc qui étaient deux meufs vraiment bonnes, et il se met au milieu. Donc tu fais, mais personne va se branler, Koé, sur ton magazine. Tu es entre deux bombes sexuelles, mais tu es Koé. Oui, et non, le truc de la performance, il y a aussi l'autre truc, c'est que j'ai l'impression, et là peut-être que l'avis féminin me fera mentir ou pas, j'ai l'impression aussi que potentiellement, je crois que c'est Louis C.K. qui disait ça, alors c'est toujours bizarre de citer Louis C.K. maintenant, après tout ce qu'il a fait, mais pour le coup, dans son spectacle, c'était pas mal vu. De dire qu'aujourd'hui, le niveau d'espérance des meufs est tellement devenu bas que si juste t'es gentil et propre, t'as une chance avec une meuf plutôt pas mal, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a ça. Moi, je sens que j'ai eu des relations qui se sont faites, et c'est pas pour faire Calimero, mais qui étaient beaucoup plus sur la gentillesse et 2-3 vannes que mon physique ou ce que je dégage en termes de mec sûr de lui, quoi. Je sais que je dégage pas un truc qui... Mais ça a toujours été le cas, hein. C'est pas une question de le niveau a baissé ou le niveau est tellement... ça a toujours été le cas. La sincérité, c'est une clé. Ouais. Le fait d'être toi-même, quoi. C'est ça qui, je pense, qui plaît à quelqu'un. Comme toi, ça, une meuf qui te fait trois vannes et qui à qui au pieu ça se passe bien parce que justement, il y a une écoute et puis il y a une envie de faire plaisir à l'autre. Ça passe, c'est pareil, ça passe crème, quoi. Je pense, tu vois, il n'y a pas possible. De. J'ai du mal à différencier les sexes, en fait, là-dessus. Pour moi, c'est juste la sincérité de l'autre, quoi. C'est pour ça que des fois, tu ne comprenais pas quand on était au lycée. Tu me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Il est trop moche et tout. Et oui, il est super sympa. Mais surtout, c'est pas une science. C'est il est méga sympa, le gars. T'as une chimie de dingue qui s'opère ou pas. T'as des gens avec qui il y a des choses qui se calculent pas, l'odeur de la peau, des sensations que t'as pas avec des mecs qui sont idéaux, qui sont gentils, qui ont tout, qui sont drôles. Et quand tu les touches, tu juste le haut touché, c'est pas agréable ou c'est pas à l'odeur. On revient à Jacques Brel. À la sudation. Il y a des choses que tu maîtrises pas et par ailleurs, tu vas rencontrer un type ou une nana ultra pas séduisant, mais qui aura tout le reste et en fait, le charme opère. D'accord. Non, mais je me permettais de poser la question parce que c'est un truc qui dit dans le spectacle qui me faisait rire. Et je me disais, peut-être que voilà, ça créera. Non, parce que là, par exemple, je suis tombé sur un article. Je suis désolé d'ailleurs pour les personnes homosexuelles qui nous entendent. On parle beaucoup de relations hétérosexuelles et on essaiera de faire un floodcast un jour où on parle plus de. Après, j'essaie toujours de tirer le truc, mais on parle de relations surtout. On parle, tu vois. Mais j'ai tendance à. Pardon, j'ai tendance à genrer beaucoup quand on raconte des anecdotes. C'est ça que je voulais dire. Donc, ouais, j'ai lu un article. Sur psychologie, donc pardon, mais c'est là officiel, vraiment c'est clairement officiel. C'est la pointe de la pointe. C'est le bulletin officiel de la psychologie, du coup, c'est vraiment. Alors je crois que c'est Freud qui a directement écrit le magazine. C'est donc, la nouvelle doctrine, la nouvelle école de la psychologie. C'est obligatoire. Autant vous dire que déjà, sur la photo, il y a un mec qui fait genre je suis suspicieux avec c'est une femme. C'est les mêmes gars que les paquets de cigarettes. C'est ça, un mec suspicieux avec une femme qui se tient la tête dans son lit qui fait genre Et on salue Gatimage en passant. L'article s'appelle « Pourquoi les hommes ne savent pas rompre ?» Alors, contrairement aux femmes, ils n'ont presque jamais le courage d'affronter la fin d'une relation. C'est la phrase d'intro qui est déjà très sûre d'elle. Ou alors, ils le font très brutalement. Est-ce à cause de leur mère ? Oh, pas mal. Donc bon, souvent lié à la mère. Donc apparemment, c'est lié à l'incapacité à se séparer de sa mère. Et donc, du coup, on n'arrive pas à quitter la femme. Est-ce que vous avez l'impression, moi je ne pense pas, mais non. Que c'est plus dur? Est-ce que les hommes sont plus maladroits? Toi, est-ce que, Alison, on t'a déjà quitté de façon vraiment où tu dis, voilà, oh, vraiment, c'est extrêmement maladroit? C'est toujours plus dur quand tu subis, mais moi, j'ai déjà été une énorme lâche. Je suis très, exactement. Très lâche en rupture. T'as un exemple ou pas ma... que tu veux bien partager avec nous? Hein, comment ça fait-il? Juste un prénom et un numéro de sécu. Pas plus. Non, mais je suis très nulle pour quitter les gens et j'ai toujours des excuses parce que je veux tellement pas faire de peine. Enfin, je peux trouver un milliard d'excuses valables, mais je pense pas que ce soit un truc d'homme de quitter lâchement. Je pense qu'on est pareil là-dessus. Ouais. Une question de personnalité quand t'es nulle. Mais quand t'aimes très fort la personne, tu lui fais le mal équivalent à l'amour que tu lui as apporté. Enfin, c'est souvent proportionnel. Enfin, j'ai eu tellement de lâcheté face à quelqu'un que j'aimais énormément et immensément. Elle est comédienne, vous ne pouvez pas voir. Vous pouvez pas voir, elle est comédienne. Tout à l'heure, pour les sushis, elle a fait pareil. Ça coûte 35 euros. Voilà, le mec, il a fait laisser le bris. C'est vraiment, faites pas avoir, c'est une carotte. Bref, je pense que c'est pas un truc de genre de quitter lâchement quelqu'un. Tu penses pas que c'est une question aussi de doute? Parce que je sais que moi, j'ai ressenti déjà une profonde lâcheté à quitter quelqu'un. J'ai ressenti cette lâcheté, cette tendance à me dire « Ah, j'ai envie d'être lâche, là. J'ai pas envie d'affronter ce truc-là. J'ai envie d'avoir le beau rôle, par ego. » Ah oui. Tu vois, il y a un côté par ego, genre j'ai envie d'avoir le beau rôle. Et puis, peut-être que je me gourre. Et ça crée de la lâcheté, le « mais je suis pas sûr, je vais la quitter. Je veux la quitter, mais ça se trouve, je me gourre. » Et j'ai pas envie d'être coupable. En fait, il y a deux choses. En termes de responsabilité, quand tu es en amour, quand tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu lui dis « je t'aime » et que tu t'engages avec cette personne sentimentalement et tout, tu t'engages à la rendre heureuse, mais tu t'engages à la rendre malheureuse. Donc ça, c'est une première culpabilité que tu peux encaisser. Moi, sachez que ça m'avait traumatisé sur ma première relation. Je me suis rendu compte que le jour où j'aimais plus ma première personne que j'avais aimée, je me suis dit « merde, maintenant je suis devenu l'instrument de sa peine ». J'étais l'instrument de son bonheur. C'est pour ça que les gens parfois mettent beaucoup de temps à quitter. Moi, c'est ce que je parlais de ma première meuf. Je pense que c'est lié à ça. Je pense qu'elle se disait, mais il est vraiment. Enfin, tu vois, il y a un truc de j'ose pas, quoi. Est-ce que je fais pas une erreur? Il a l'air d'être de bonne motivation quand il me fait l'amour. Mais. Non, mais après, c'était aussi lié au fait qu'on baisait depuis 6 mois. Donc, c'était un indice aussi. C'est forcément un bel indice. Non, mais il y a cette culpabilité de faire mal à l'autre. Et il y a aussi cette culpabilité de faire le mauvais choix. Ça m'est déjà arrivé de me dire, oh, j'étais trop con. Je pensais. Je pensais, ah ouais, que, je pensais que je voulais aller voir ailleurs et tout, mais en fait. Et t'es retourné la voir ou pas? Non, je... Putain! Non, non, pas, pas. Mais est-ce qu'il faut retourner mais voir? Oui! Ah, tu penses? Mais j'en sais rien, mais moi, j'aime bien les. T'es agressif, c'est les sushis! Mais après, il y a beaucoup moins d'aéroports que dans les comédies romantiques, voilà, beaucoup moins de distance pour aller. Ils sont vraiment loin de Paris, les aéroports. Tu vas prendre le RERB. Ils ne montent jamais quand tu prends le RERB dans les films américains. C'est vrai qu'ils ne montent jamais. Prends le plan nul, quoi. Les 7, les 10 euros d'RERB. Ils ne montent jamais, le gars qui t'appelle, tu fais ouais, c'est Uber! Je suis en bas! C'est Uber, je suis en bas! Ouais, d'accord, j'arrive, je descends, j'ai compris. En fait, le challenge est tellement immense quand tu veux faire un truc ricain à ta meuf pour la récupérer ou à ton mec, mais bon, si ça marche pas, c'est la honte ultime, mais si ça marche, c'est tellement un plaisir fou. De quoi, donc, de se remettre ? Quelqu'un qui fait quelque chose de fou pour te récupérer. Genre ? Bah, je sais pas, mettre se des... Se tuer. J'ai pensé, je fais, waouh, c'est vraiment fou pour le c'est coup. C'est hyper beau. Mais... Je sais pas. Faire livrer un milliard. Chanter en bas de ta fenêtre, ouais, avec une gratte. Avoir en le, ouais, le boombox. Ed Sheeran. Imagine, t'habites au sixième, t'as juste trois Jean-Luc qui ouvrent la fenêtre. Mais génial. Mais ta gueule, je bosse demain. Mais génial. T'as 8 ans de merde. En mode coup de foudre à notre. On te l'a déjà fait ou pas? Ouais, on m'a déjà fait des trucs comme ça. Et ça a marché? Ouais. Ah putain, bah, je suis influençable. T'aimes beaucoup Zac Efron, de là on peut le dire de base. Mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois. C'est juste parce que je trouve la situation géniale et que je suis trop poli. Du coup, si on me fait un truc comme ça, c'est ok. Bah, ce soir, ok, on verra demain. Si c'est demandé comme ça. Non, mais oui, mais le romantisme, de toute façon, t'es sensible à ça, quoi qu'il arrive. Rare. Mais non, moi, j'ai jamais tenté un truc. J'ai trop peur d'avoir l'air con, je pense. Oh, ça, je t'en supplie, et l'air con, il y a rien de plus beau. Non, mais moi, j'adore être romantique dans mon couple parce que je trouve que. Peut-être je dis ça parce que j'ai jamais été aussi entre guillemets sûr de moi pendant un couple, enfin en tout cas dans mes actions et dans j'ai jamais été autant moi-même je pense dans une relation de couple comme j'ai maintenant, mais il m'arrive d'être romantique et c'est nul mais c'est bien quand même parce que t'es dans une relation qui fait que ta meuf se fout un peu de ta gueule mais en vrai ça va, c'est pas grave et elle a trouvé quand même ça mignon et machin et tout. Bah ouais, c'est d'ailleurs beau, les phrases t'es mignon que tu prends très mal au début, genre quand tu fais une surprise et qu'elle fait non mais c'était mignon. Ouais. Au début tu fais genre ah je me sens trop mal et je crois que quand tu lui as montré ton pénis. Trop mignon. C'était mignon et là tu le prends méga mal. Méga mal, tu dis non mais... oh. Non c'est mignon, tu sais, moi je parle vraiment d'une petite hésitation devant le c'est mignon. Non mais genre on pourrait partir un week-end, ah là je peux pas, je dois voir mon père, ah ok, parce que j'avais déjà pris les places, ah non mais c'était mignon hein, de, tu, sais, voilà, tu vois ce genre de truc. Ouais, d'accord. Bah là maintenant moi je m'en fous, je me dis bah je prends quand même le c'est mignon, je trouve ça cool en fait d'être encore mignon, mais quand c'est fini là j'ai l'impression que c'est un vide et qu'elle va parler de moi à tout le monde en mode bon alors c'est un psychopathe apparemment. Il a fait livrer 1000 roses rouges devant mon appart. T'as fait ça? Non, moi j'ai rien fait, j'ai jamais rien fait de romantique. Moi des fois c'est ce que tu crois mais on le sait pas quand on est romantique, sinon ça gâche le truc. Non, en tout cas d'une rupture je vois des trucs que je pense qui ont été romantiques mais pas en rupture. En revanche, tu parlais de se mettre en scène dans sa tristesse par exemple. Ça, moi, je l'ai fait avec... Enfin, pas se mettre en scène, mais apprécier la scène. Ouais. Moi, j'ai fait pire, je me suis mis en scène. Oh. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'ai vécu une relation très compliquée avec une meuf et je me... genre, j'étais en bas de chez elle et je ne l'appelais pas et il pleuvait et j'étais sous la pluie, mais je ne l'appelais pas et il me disait... Est-ce que tu baissais la tête? Ouais, non, mais tu sais, c'était là, genre... et je lui envoyais un texto, t'es chez toi? Non, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon mec. C'était vraiment très compliqué. Et je me mettais sous la pluie et j'étais là, genre, putain, ma vie, c'est de la merde et tout. Et en vrai, je me mettais en scène. Il n'y avait rien qui m'empêchait d'avoir envoyé un texto avant. De te mettre sous le perron. D'envoyer un texto avant d'être en bas de chez elle, qui est quand même un putain de couteau sous la gorge, surtout au vu de notre relation de l'époque. C'est beau l'acte désespéré, c'est beau quand même. Mais en fait, il est que pour toi. Donc sous en fait, pluie, il est quand même un peu tristou. Enfin, il est un peu. Moi, je trouve qu'après. On parle de ton ego, encore une fois, on parle de l'ego. Oui, mais c'est l'ego avec toi-même, donc ça va déjà. C'est ça, c'est ton ego. C'est genre, ouais, non, mais attends, j'ai quand même fait ça. Attends, je suis quand même bien, je suis un mec bien, j'ai fait ça, quoi. Je suis sous l'eau. Attends, j'ai chopé la crève, putain. J'étais sur un autre article du même acabit de psychologie.com. Les 10 causes de rupture les plus fréquentes. Ah. Et apparemment, là, on est sur un sondage Ipsos. Fréquente. Clairement, je crois que c'est... Fréquente. C'est pas orthographe. Parce que pas du tout inclusif, c'est vraiment une faute. Ouais, non, moi, je fais de l'écriture exclusive. C'est-à-dire que je mets ni garçon, ni fille. Je fais juste des fautes. Je fais ma sauce. Je fais vraiment ma sauce. Le site de rencontre américain What's Your Price? Déjà, quoi? Et du coup, c'est plus psychologie.com, là. Là, non, là, on est sur flair.be. Ouais, donc, on est déjà moins sûr. Pour connaître les raisons qui poussaient les couples à se séparer. La première raison que je lis devant vous est l'adultère. Apparemment, c'est la raison numéro 1 des gens qui se séparent. C'est quand tu deviens adulte. Non. D'ailleurs, ça vient environ de 18 ans. Adultère, c'est vrai. Putain. Que oui, ça vient d'adulte. C'est très bizarre. Bah ouais, ça veut dire quoi? Moi, j'ai, ça doit être. Non, je vais pas théoriser parce que j'en fais rien. Bah si, théorie. Non, ça a l'air d'être très vieux et de peut-être une connotation religieuse, je sais pas. Tu penses? Adultère, je sais pas, ça sonne très. J'ai déjà lu ça quelque part. Sur Pif Magazine. Sur flair.be. c'était là, ouais, je pense. Bah, moi, je l'ai vécu qu'une fois. Enfin, après, tu sais peut-être jamais, l'adultère. Mais. Ouais, mais j'ai jamais trompé qui que ce soit, pour le coup. Mais je me suis déjà fait tromper une fois et c'était, je l'ai appris longtemps après. Donc, c'est un peu nul, quoi. Tu fais rien. Tu dis, bon, de toute façon, j'ai oublié la meuf. Et, t'aurais voulu faire quoi? Rien, mais me mettre sous la pluie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Me mettre en scène, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un truc. C'est, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, c'est bien. Peut-être parce que j'ai jamais vécu, mais c'est une discussion que t'as envie d'avoir. Pourquoi t'es allé voir? Pourquoi voir quelqu'un d'autre que moi? Là, je l'aurais très vite compris, puisque je te dis, ça fait 6 mois qu'on baisait plus, et j'avais jamais fait jouir cet être humain. Donc, je vois pourquoi elle m'a. Enfin, et encore, ça se trouve, c'est même pas cette raison en plus. C'était mais... elle, t'as vraiment trompé, tu l'as appris. Je l'ai appris après, ouais. C'est elle, la même, la première. Ouais, la première. Ah, d'accord, waouh. Ouais, bah après, en plus, en vrai, elle aurait pu me tromper 1000 fois parce que c'était la première relation et elle m'a tellement apporté cette relation. Et c'était une meuf vraiment très gentille. Et... Mais la meuf était vraiment. Enfin, c'est horrible, mais la meuf n'a jamais été mauvaise avec moi, quoi. Tu l'as toujours revu été... pas une fois et on a recouché ensemble, c'était une très mauvaise idée. Ah. Mais sinon, c'était une mais vraie elle belle relation. Elle avait dit ouais, dans sa elle chanson. A joué ou pas? Elle n'a pas joué. Ah, c'est... Je peux pas te dire tous les détails. Dans les autres raisons. De rupture, bon là je vais arrêter de parler de ça parce que vraiment je parle que de ça depuis le début, mais le mauvais sexe arrive en deuxième position. C'est quoi le mauvais sexe? La personne a le mauvais sexe? Ouais, genre tu t'es trompé, tu te dis mais c'est pas du tout le bon ah, sexe. Ah, c'est pas ce sexe-là que je voulais. T'as une chatte, moi aussi j'ai une chatte. Genre, moi j'en voulais un bleu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce sexe? Non, enfin en tout cas, une vie sexuelle pas ouf. Ah, du mauvais cul. Du mauvais cul. Ah oui, moi j'avais pas compris vraiment ça. Ah oui, des relations sexuelles pas agréables. Au toucher. Des gens qui des Belges qui transpirent par exemple, un cul rugueux. Un cul rugueux. C'est comment les mecs ont souvent un cul rugueux en revanche parce que la pilosité fait que les poils sont un peu plus drus. À certains endroits. Les poils de cul sont très doux généralement. Ah ouais, bah ouais. C'est rare un cul. Après un cul Kian, toi tu les lisses, on peut le dire. C'est vrai, je vais à lisser. Je prends un méga plaisir à le faire. C'est vrai. Le troisième qui arrive. On n'est pas obligé de tout révéler dans cette émission. Non, hein. Non, mais après. Voilà. Non, mais c'est pour que les, tu vois, tes fans créent un lien avec toi derrière. Ça m'humanise, alors j'aime. Ça t'humanise de ouf. Fais qu'il m'a dit fais des trucs qui t'humanisent. Fais des trucs qui t'humanisent. Il faut que les gens vont s'identifier à toi, c'est ton business. Et le cul, parler de son cul, c'est la première façon d'humaniser avec les gens. Je dis mes poils de cul. Ah non, il faut que tu dises. Ça, dis-le, Chiruquier, ça. Dis-le, Chiruquier. Yann Moix, il va adorer. La troisième raison de ce top 10 est la jalousie. Alors moi j'avoue, c'est un truc. Ouais, c'est un peu nul, hein. Non. Vivre avec un partenaire jaloux qui veut vous contrôler sans cesse. Moi, j'ai connu ça, c'est très dur à vivre. Ah ouais, la personne jalouse ou toi jaloux avec la personne? En fait, il y a deux jalousies. Je pense qu'il y a deux jalousies différentes. Il y a la jalousie genre putain, tu fais chier, c'est qui cette meuf, je la sens pas et tout. Et il y a la jalousie compulsive qui est là, qui est extrêmement difficile à vivre. Sur tous les domaines, même professionnels. C'est la jalousie sur le moment, quoi. C'est la jalousie tellement vraie, tu vois. Tu vois ce genre de truc, tu dis mais ça n'existe pas ça. Et ben moi j'ai déjà vécu ça et c'est vrai que la personne n'existe plus, ta compagne n'existe plus. C'est-à-dire que vraiment t'as des crises de jalousie, tu dis mais repasse-moi la meuf que j'aime en fait. C'est pas du tout à toi que je veux parler au téléphone là. Et tu parles à une névrose et là tu te rends compte que la personne elle a un blackout. Et c'est une vraie souffrance intérieure, un vrai truc inconscient qui est extrêmement dur à vivre parce qu'en plus quand tu vis pour la première fois que t'as pas d'habitude dans des relations, tu t'as pas de recul, tu sais pas gérer, tu dis mais il y a un démon là, c'est compliqué. Et en fait tu te rends compte que la personne est en souffrance très forte. Ouais, bah oui, c'est un mal-être. Et est-ce que tu t'en veux d'ailleurs quand ça arrive? Parce que tu sais, des fois tu te remets, enfin j'ai l'impression du peu qu'on se connaît qu'on est des gens qui se remettent beaucoup en question. Est-ce que tu dis bah en même temps c'est vrai que quand même je parle à beaucoup d'autres meufs, enfin tu vois, des trucs comme ça, ou quand même ton cerveau avait dit non, là c'est une névrose? Là pour le coup c'est je j'accepte totalement la jalousie, tu vois, même la discussion d'être un peu pincé, dire ah, ça me fait chier, je trouve ça même tendre de dire, ça veut dire que tu comptes aller aux yeux de la personne, oui, et c'est plutôt touchant. Ouais. Non, là c'était vraiment tu fais quoi là, t'es où? Bah, je fais là on boit un verre avec des potes. Ok, rentre. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Ah, oui. Ouais, pourquoi je vais rentrer? On est avec des potes, on vient de tourner là. J'étais dans une autre ville à l'époque et je travaillais dans une autre ville et du coup elle me dit non, rentre. Je dis bah écoute, 20 minutes je bois un verre et tout. 20 minutes après, t'es où? Ah oui, là, d'accord. Ça fait juste, je t'ai pas appelé parce que c'est un verre, quoi. C'est pas un chrono, quoi. Bien sûr. On prend un verre, on discute et c'est marrant. Ouais. D'accord, ok, bah rentre. Ok, je rentre. Appelle-moi quand t'es sur le chemin. J'appelle. Ah ouais, putain. Là, je suis sur le chemin, il n'y a plus le bruit de la boîte de nuit, t'entends plus le. T'entends plus Zac Efron qui fait eh, viens, on boit des shots Ouais, le 7, t'entends plus ça. Et du coup, elle me fait, d'accord, bah, tu m'appelles quand t'es dans la chambre d'hôtel. Je fais, putain. T'as dit d'hôpital, le lapsus. Ouais, bah ouais. Et du coup, j'arrive dans la chambre d'hôtel, voilà, t'entends le silence de ma chambre d'hôtel. Ok, d'accord. Bah, passe-moi le concierge. Pour moi. Parce que c'était une fille qui a été trompée beaucoup ou elle s'est dit je sais hyper pas. Sollicitée. Je ne sais pas. Je pense que c'est une question d'abandon dans son enfance très fort. Je pense que c'est lié à son enfance par rapport à une sorte d'abandon. J'ai pas l'exactitude de l'effet. Tu lui as dit ça quand tu l'as largué? Non. T'as été abandonné? Non, mais j'en ai reparlé avec elle. Non, j'en ai reparlé. C'est elle qui m'a quitté. Ah, en plus? Ouais, c'est elle qui m'a quitté. Jalousie aussi? Mais c'est marrant, je crois qu'elle a. J'ai l'impression que la motivation de la jalousie, c'est le fait de savoir que toi aussi tu ressens des choses pour d'autres personnes. Ah, c'est intéressant. Ouais, et que tu projettes sur l'autre parce que toi-même tu sais que t'es pas clean. Ah, parce que la vie, c'est une théorie, hein, mais je pense que la vie, nous, même quand on est en couple, on est très amoureux de ce qu'il faut, à un moment donné, forcément attiré par d'autres personnes, des rencontres, des stimuli. On a des trucs qui nous stimulent. Et je pense que quand tu as une nature jalouse, une angoisse profonde, et je ne parle pas de gens jaloux, genre, oh, elle est casse-couille, elle est attachante. Ouais. Non, je te parle de vraiment. Je déteste. Ouais, oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Je me vois floquer sur un t-shirt H&M, j'ai envie de cracher dessus. Et du coup, quand je te parle de la vraie pathologie de la jalousie, le côté genre la personne, elle switch, c'est peut-être nourri aussi par une projection de quelque chose que tu as aussi. Au fond de toi, potentiellement l'enfance. Je suis pas clean, je sais que je suis pas clean, donc peut-être que si moi je suis pas clean, l'autre elle est pas clean aussi. Ou comme tu disais, peut-être un abandon de l'enfance. Moi je sais que je baisse très mal parce que mes parents m'ont jamais appris à baiser. Ils m'ont jamais appris à baiser. Jamais on a passé une heure. Bon, alors voilà, la teub, c'est comme ça. Ça, en fait, c'est pas une excroissance, c'est un clitoris. Et en fait, il faut le toucher aussi. Et voilà. Il faut le stimuler. Il faut le stimuler. Ni trop fort, ni pas assez fort. C'est un peu, voilà, c'est un peu technique. C'est pas une excroissance. La quatrième raison de mon top 10 est l'argent. Alors, il n'y a pas beaucoup d'indices. Mais apparemment, amour et argent ne font définitivement pas bon ménage. Apprenez à communiquer comme des adultes à ce propos pour éviter les conflits. Donc, je pense que c'est synonyme de tu me payes tout. Ah, les radasses, les grosses pinces. Il y a peut-être les radasses. Il y a aussi les déséquilibres. Ouais. Moi, les déséquilibres, je vois, enfin, je l'imagine aussi, quoi. Ah ouais? Le truc de, par exemple, moi, pas avec cette relation-là, mais un peu plus tôt, je gagnais déjà plutôt pas mal ma vie grâce à YouTube. Et ma nana avec qui je sortais n'était pas du tout dans ce délire-là. Elle était vraiment juste, elle avait un taf qui rapportait moins, quoi. Bon, elle avait un CDI, donc elle trouvait des apparts plus facilement que moi, mais elle gagnait moins que moi. Et donc, du coup, moi, j'avais tendance, parce que je l'appréciais plutôt pas mal, c'était pas l'amour de ma vie, mais ça allait, quoi, à lui payer des trucs en disant, mais meuf, t'as pas de sous, vas-y, je paye le resto, je peux et tu peux pas. Et voilà. Et à force, c'est pas devenu un problème dans le couple, on s'est si quitté, parce que juste, on n'était pas, c'était pas ouf, quoi. Mais c'était une conversation. C'était une conversation tu payes tout. C'est très dur à vivre pour les gens. C'est compliqué à vivre. Mais tu payes tout et alors ? Y a des gens qui ne l'acceptent pas, qui ont une fierté vis-à-vis de l'argent, qui se disent c'est un déséquilibre dans notre relation. Ça te renvoie une côté genre, moi je suis pas au niveau, quoi. Et t'as aussi un truc de personnes qui te foutent dans la gueule aussi, hein. Qui peuvent aussi, enfin, je dis pas que c'est des gars bien ou des meufs bien, mais des gens qui te disent, qui peuvent t'en mettre dans la gueule, bon, attends, j'ai payé ça, déjà tu payes rien, tu peux faire ça. Non, des gens pas ouf, hein. Je suis pas en train de dire que c'est des gens totale. Ouf. Mais non, après, les déséquilibres de salaire, c'est un truc qui peut, le fait de vouloir offrir, tu vois. Tant qu'il y a la discussion après, je vois pas en quoi ça peut mener à une rupture, sauf si vraiment c'est pas une histoire incroyable, quoi. Ouais, une rupture, ça me paraît gros aussi, moi. C'est vraiment que tu tiens pas non plus de ouf. Si c'est pour l'argent, quoi, c'est que. Enfin, ça peut être un problème, mais on discute et. Et voilà, quoi, tu peux dire, ok, c'est pas grave, ne te sens pas mal si je t'offre. Si je te paye plein de trucs. Contraire. Voilà, et contrairement, et à l'inverse aussi de dire, non, mais vas-y, on va pas au resto, parce qu'en fait, j'en ai marre que tu payes tout le resto, juste on reste à la maison et on fait à bouffer, il n'y a pas besoin d'aller au resto tous les soirs, des trucs comme ça, quoi. Et qui paye le franc prix? C'est le même. On fait moite-moite sur le franc prix, allez, vas-y, je te le cède. Le cinquième, c'est les différences familiales. Si votre partenaire a reçu une autre éducation que la vôtre et possède des valeurs différentes, vous pourriez connaître des tensions au sein de votre couple. Les valeurs, elles englobent toutes les autres, quoi. L'argent. Oui, ça englobe tout. Ouais, et puis j'ai l'impression que ça parle surtout peut-être aussi de la façon de voir l'avenir, peut-être. J'ai l'impression que c'est un grand truc de. J'ai l'impression, encore une fois, je parle de trucs. Regarde ce sale clochard dans la rue, il est nul. Ta meuf, elle fait ça, genre. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut vraiment. ah, regarde-le, ah, il c'est nul. Mais attends, ça fait 2 ans et demi et c'est la première fois qu'on voit un clochard ensemble. Bah ouais, écoute, moi je déteste ça. Là, hein. Tu, ah putain. Ah ouais. Ah, vache. Ouais, ils sont sales. Quoi? Waouh, wow, mec, mec. Oh c'est là, ouf. Là, là, là, là, là. Non, ça non, vous non, est déjà non, arrivé non. De sortir avec quelqu'un et de passer pas mal de temps avec et de vous rendre compte sur un détail comme ça, comme tu ouais, dis, que non, ouais. Ça va pas matcher ouais. Jamais. Ah, genre, la seconde près, ça m'est arrivé, moi. Ouais, ouais. Quelqu'un a un truc ou pas? Ouais, moi, j'étais avec un ex, j'étais jeune et je me suis rendu compte après, je sais pas, 6 mois qu'il était très raciste. Ah merde! Et ça m'a turn off direct, quoi. C'est marrant. C'est chaud, et ouais. C'était même pas une engueulade. Je lui ai dit, ça va pas aller. Je peux pas, en fait. Comment t'as compris qu'il était raciste? Il a dit quoi? Je crois qu'on regardait un film et il faisait des blagues racistes sur un acteur, un quebla. Oh, et... Bref, il faisait des blagues racistes et je me suis dit, en plus, on venait de faire l'amour. Et, non. Et je me suis dit, j'aurais pas dû, je me sens pas bien. Mais en fait, tu wow. Vois des petites bribes et après, tu te rends compte que c'est des clichés sur chaque typologie de personne. Quoi. Ouais. Tu dis, ça n'ira pas. Si tu veux dire que c'est un gars dans son comportement? Comportement, bah, bah ouais, ouais, voilà, c'est ça, d'accord. Très bien. Non, moi, en fait, pour moi, quand je lis Partenaire a reçu une autre éducation que la vôtre et peut-être des valeurs différentes, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être sur un truc que les gens partagent un peu, à savoir la vision de l'avenir. J'ai l'impression que c'est un truc où les gens parfois se séparent en disant bah, moi je veux un enfant, peut-être parce que je vieillis aussi, hein, mais moi je veux un enfant et pas toi. Mais tu crois que c'est familial ça? Tu crois que c'est une valeur de famille? Non, mais là tu vois, derrière ils mettent, pas forcément différence familiale, mais derrière ils mettent, possèdent des valeurs différentes. J'ai l'impression que c'est la vision de la famille alors. Voilà, la vision de. Ouais. Sur l'éducation des enfants et tout ça, ça peut différer de ouf. Pour revenir au truc qui tue un peu l'amour ou le. Qui turn off. Ouais, le turn off. J'étais en date avec une meuf. Ça se passe bien. Putain, ouais. Elle a des sourires, elle a de l'humour, elle fait des bonnes blagues. Et dans ma tête, je me dis, elle fait des bonnes blagues. Tu sais, genre, dans ma tête, je fais, oh, elle fait. Et là, j'aime quand elle sourit, mais qu'elle baisse les yeux. C'est-à-dire qu'elle est un peu timide, mais craquante en même temps. Je dis, ah, c'est pas mal ça. Elle se caresse les cheveux, donc je lui plais peut-être un peu. Elle est à poil, donc marche. Elle a l'air chaude. Quand même, on est en plein centre de la Fnac, elle devrait mettre des vêtements. Ça ne se fait pas. Non, mais on marche dans la rue, ok, cool, putain. Ce début de soir d'automne, voilà, on remet notre veste pour pas trop cailler, pour citer encore malade. Mm. Et on est là et on marche et tout. Elle me dit, ah, viens, on va dans un magasin de jouets. Oh, moi, c'est vraiment ma corde sensible, genre. Âme d'enfant, bien sûr. Mince. Viens, on va dans les Legos. Putain, les Legos, c'est ma vie entière. Je me dis, putain, ça claque. J'adore les enfants. On va acheter des Legos, ça claque et tout. On va en faire un. Putain, je me dis, putain, c'est cool. Je fais, ouais, c'est chambé. Elle fait, ouais, carrément, il est trop bien. Elle le prend, elle le met sous son vêtement. Elle fait, viens, on y va. Ah bon? Je fais, mais quoi? Non. En plus, c'était l'étoile noire en Lego, donc ça se voyait. Elle avait vraiment un truc qui descend de Dark Vador. T'as un triangle entier sous le truc. Attends, je te trouve dur. Ça veut dire qu'elle a voulu la jouer Bonnie and Clyde? Non, elle a voulu le voler. Elle oui. A fait. Elle a c'est fait, deux façons de voir la même fait, anecdote. Elle a fait. Elle m'a dit, vas-y, c'est excitant. Bah oui. J'ai dit, non, c'est pas excitant, c'est illégal. Et elle me dit, non, mais ça va, on peut pas s'amuser. Et je fais, alors là, non, ça, c'est pas le truc qui m'amuse du tout. Ah et merde. J'ai fait, bah non. Mais non. Je peux pas me faire arrêter. Bah alors. Mais si tu faisais pas arrêter, t'aurais kiffé, non? Non, pas du tout. Alors vraiment, ça casse tout. Cette vitesse. Ça casse tout. Après, bon, Allison, encore une fois, elle vit dans un film américain, donc elle a besoin qu'il y ait du danger, que les flics vous chopent, vous alliez en taule et vous disiez vos sentiments en prison. Oui. Voilà, c'est ça. Non mais tu pourrais tellement écrire mes films. Tu voles pas Lego à 9 balles. Tu vois, tu dis pas. Ouais. Je vois pas l'intérêt en fait. Ouais. Mais ça l'excitait et toi, pas du tout. Non, quoi. Mais en fait, ouais. C'est genre, et j'ai fait. Et je suis sorti du magasin, j'ai fait. Bon, bah écoute, bonne continuation. Ouais, elle a fait un truc la bise. C'était fini. Toutes ouais. Les cases étaient décochées. Le formulaire était déchiré d'ailleurs. Il n'y avait plus rien dans ma tête. La candidature est à la poubelle. Et là, j'ai enlevé ma veste pour tailler parce que je voulais bien faire. Est-ce que tu crois qu'elle se dit rétrospectivement qu'elle a assuré et que c'est toi la poubelle? Que je suis pas marrant? Ouais. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Bah, je sais pas. C'est chelou quand même, tout non. Se passe bien. Viens, non, on non. Vole un truc. Moi, j'aurais une réaction bizarre. C'est mais moi, j'aurais été encore plus nul parce que moi, j'aurais vraiment expliqué, j'aurais eu besoin d'explications en 8 points de pourquoi on vole, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu veux voler. Moi, j'aurais été surpris quand même. Surtout que c'est première date, deuxième. Ouais, c'est première date. Ouais, c'est un peu bourrin de commencer par c'est, ça. C'est fâcheux quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses, Timon? Non, ouais. Première date, c'est étrange. Ouais. Bah, encore, si t'es dans le délire et tout ça, et elle t'en parle avant. Ouais, ça oui, plaît. Voilà. Ouais, si c'est un payoff, ça fait quand même un peu pathologique. Genre, si ouais. On va voler un truc. Oui, clairement, il y a un souci. Mais quand tu lui as dit bonne continuation, elle a. Non, mais elle fait. Je pense qu'elle a, elle a compris que. C'était mal, ce truc-là qui avait cassé le truc, quoi. Bah ouais, mais pas. Enfin, moi, ça m'a. En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie de me faire prendre. pour un truc que j'ai pas fait, d'être associé pour un Lego, et tu vois, j'ai pas envie de ça, quoi. Oui, non, mais je comprends complètement. Après, ça aurait pu être pire. Elle aurait pu dire, viens, on chope un môme. Là, tu aurais fait, bon, attends, là, vraiment, c'est particulier. Wow. Là, c'est vraiment. Wow. On dit que c'est le nôtre. On dit que c'est ça. Non, mais on l'éduque. Et on le rend. On le rend avant 24 heures. On l'appelle Enzo. On le rend. Viens, on l'appelle Enzo et on lui dit qu'on est ses vrais parents. Et on l'inscrit à la nouvelle star. On l'inscrit au Jamel Comedy Kids. Et puis voilà, quoi, il fait un sketch. Il refait le blond. Je te remercie, c'est vrai. Oh my god. Alors, point numéro 6, le gain de poids. On dit souvent que ça ne change rien pour ne pas blesser l'autre, mais ça peut plomber la libido. Ah oui. Même si les dad bodies sont de plus en plus en vogue. Ouais. Ça dépend, ça dépend. Moi, j'ai connu une levée de poids à cause de l'arrêt de la clope et c'est totalement compréhensible. Et, tu vois, t'arrêtes la clope, c'est 10 kilos. Ouais. Tu vois, donc, 10 kilos C'est 10 kilos, Ah ouais. Bon, mec, elle était enceinte. Pardon, hein, mais elle n'a pas voulu te le dire, mais elle était enceinte. Non, mais après, il y a gain de poids et gain de poids, une phrase un peu classique que je vous dis, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est d'en parler sans blesser. Après, je sais qu'il y a des gens que ça ne pose aucun problème. C'est du cas par cas, il n'y a pas de règle générale là-dessus. Hein. C'est un peu le cas, je pense, de tous les trucs, mais je me permets de vous le partager pour voir si ça vous fait réagir. Le numéro 7, c'est la flemmardise. Genre quelqu'un qui ne veut pas trop sortir ou quelqu'un qui ne veut pas forcément faire les tâches ménagères. Bon, vraiment, c'est écrit par quelqu'un qui a 45 ans, je pense. Mais voilà, quelqu'un qui ne veut pas, qui est flemmard. La répartition des tâches ménagères, la charge mentale. Ouais. Avec une voix chiante. C'est le titre de mon livre. Que je présente. Je vous le présente. Que je présente chez Ruquier samedi. Non, c'est une chose, la répartition des tâches et tout ça, mais c'est toujours, en fait, c'est toujours ces points-là. À chaque fois, je me dis, ok, mais en fait, si tu romps pour ça, c'est vraiment que t'as pas discuté, quoi. Tu veux pas discuter avec ton couple. J'ai l'impression que c'est quand même la clé de tout ça. C'est qu'il faut discuter. Il faut parler. C'est drastique comme... Il faut parler. Après, peut-être, il ne faut pas trop parler. Non. Moi, je sais que je parle peut-être un peu trop. Si ce n'est pas une évidence, après, ça ne marche pas, quoi. Ouais. Dire si l'autre, c'est évident pour l'un que l'autre va tout faire, c'est vraiment qu'il n'a pas beaucoup de respect, quoi. Non, mais après, j'élargissais vraiment au fait de tout débriefer, tout parler, tout. Moi, je sais que je parle beaucoup. Oui. Et il a fallu trouver la personne qui aime bien que je débriefe beaucoup de choses, quand même. Parce que des fois, des gens, voilà, vraiment, on va parler aussi de ça. On l'embrasse. On a vraiment besoin de parler de nos sentiments par rapport au fait que tu m'as fait à manger et que machin, et que, tu vois. Émo. Ben, un peu, je pense. Non, mais le débrief constant. Et ça, peut-être, c'est pas forcément la meilleure chose non plus. Non, mais... Faut trouver un juste milieu. Ouais, je pense que la communication... Là, tous les problèmes que tu sous-entends, c'est ce que tu donnes depuis tout à l'heure, c'est des problèmes de communication aussi. C'est sûr. C'est uniquement des problèmes de communication avec l'autre. Mais communication, ça veut pas dire parler, ça veut dire trouver la bonne manière de se parler. Oui. C'est pas forcément la quantité, c'est la qualité de la communication. Exactement. C'est peut-être ça que je comprenais pas trop il y a quelques années. Tu vois, c'est un peu lié. L'excès de temps à deux. Il est essentiel de passer du temps en amoureux, mais vous avez aussi besoin de respirer chacun de votre côté. Ouais. En baisant son pote, par exemple. Quoi ? Pardon ? Attendez, excusez-moi, je suis sur l'article. C'est sur un autre article. Pardon. Je suis sur foudecul.com. Ouais, un site beaucoup plus drastique sur les conseils. Foudecul.com. Je vous invite à le déposer, Vincent. D'ailleurs. Deux avec le chiffre 2. Foudecul.com. Foudecul.com. Bon, là, je pense qu'il ne savait plus comment remplir le top 10. Le manque de propreté. Bon, écoute, Jacques Brel. L'hygiène, ouais, c'est ça. Toujours. On a vite fait de se lasser d'un partenaire qui laisse traîner ses chaussettes sales. Bon, c'est vraiment écrit par un humoriste sincère. Les chaussettes, vraiment, on en est là encore. Et qui se brosse les dents une fois sur deux. Et la dernière, c'est la radinerie, qui est pour moi quand même beaucoup liée à l'argent. Être économe, c'est une chose. Être radin en est une autre. Bah oui, c'est bien vu. Belle liste. Pour revenir à la propreté, quelqu'un qui passe pas la brosse à toilette, ça peut être très très dur sur le coup. Ouais. Bah, c'est une jolie façon de le dire. Tu veux dire quelqu'un qui laisse sa merde aux yeux de tous. C'est vraiment ça, quoi. Ça, c'est un truc par... quand t'es chiotte sur le palier et que la personne qui chie ne le fait jamais, t'as jamais envie d'avoir un lien avec cette personne. Ça ne t'encourage pas. Ouais. Après, c'est pas. Bon, je sais pas si... Bon, vas-y. Pas le podcast. Non, parce que c'est avec ma meuf. Une de nos premières, vraiment, cinquième nuits ensemble, elle a été changer un tampon dans les toilettes. Ouais. et ça n'a pas été bien géré. Et le lendemain matin, je suis allé pisser. Mince. Et vraiment, ouais, c'était la baignoire dans Scarface, quoi. C'était vraiment un truc de... Ouais, c'était vraiment... Et je me dis, c'était horrible parce qu'en vrai, moi, ça me fait... Enfin, ça arrive. Si vous connaissez... Ouais, je m'en bats vraiment les couilles. Et même, ça a plutôt tendance à me faire sourire. Genre, putain, c'est marrant. Moi, vous connaissez ce podcast, hein. C'est que moi, si c'est dégueu et qu'on s'aime, c'est mignon. Moi, pour moi, c'est... Voilà, on peut en discuter, c'est rigolo. Mais c'est dégueu parce que... Enfin, en fait, c'est pas dégueu. C'est non, mais tu m'entends. Les garçons n'ont pas l'habitude de voir ça. Oui, oui. Pour elle, c'était dégueu. Moi, c'était pas dégueu du tout pour moi. Ouais, c'est... C'est naturel. Voilà, c'est ça. Mais et d'ailleurs, juste pour revenir, mini parenthèse sur les traces de merde, des traces de pneus des WC, mais partout en fait, utiliser la brosse, même dans les entreprises ou dans les ou à Disneyland ou partout, il y a vraiment des brosses partout. Bah, c'est vrai qu'il y a des brosses partout. Ouais. Et ça, je sais pas pourquoi les gens se disent, allez, je laisse. Cette trace de merde aux yeux de tous. Je pense que c'est une petite part de moi. C'est un cadeau que je laisse au prochain. C'est pour mon prochain. Le vrai prochain. Laisser une trace. Moi, il y a un vrai truc quand je vais dans les bars ou quand je vais dans les aéroports aux toilettes et tout. Si le toilette est sale et que je me casse, je le lave parce que je supporte pas l'idée que la personne après moi se dit « Elle a abusé la meuf. » Alors que c'est pas moi, tu vois. Mais si j'en vois... Genre, je me prends 5 minutes parce que c'est dur de le faire après quelqu'un que tu connais pas. Parce que nettoyer la merde de quelqu'un que tu connais, ça va. Ouais. Mais ouais. Quelqu'un que tu connais. Ouais, vraiment, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait de ma life. C'est private, quoi. Bah, l'odeur de. Nettoyer la merde de quelqu'un que tu connais, ça va. Non, mais genre, quoi. On a tous accepté ça d'un coup, là. Je suis pas d'accord, moi, j'accepte pas ça. C'est pas ça va, non, c'est tu le fais, Kian, mais s'il faut que tu le fasses, faut le faire. Kian, mais ça va pas. Kian, on parle pas d'une merde au milieu du salon non plus. Ton meilleur ami, il est sous, il fait caca sur lui, tu le nettoies ou pas? Oui, mais ça va pas. Je dis pas. It's okay, je gère. C'est on est potes. On est le pauvre, il se chie dessus, ça va. Ça va pas. Mais tu lui en parles après? Ah bah de toute la vie. Dès qu'il prend un verre de après dès qu'il prend une bière, je fais, t'es sûr que tu veux boire une bière parce que vraiment tu vas te chier dessus encore hein, devant tout le monde. De la meuf qui est en train de draguer. Non, parce qu'il s'est chié dessus une fois. J'ai des photos, regarde. Ça c'est avant, ça c'est quand je l'ai nettoyé. Ça c'est moi devant, c'était quand je me lave les mains parce qu'il m'en a mis après il a fait un volcan, c'était horrible. Voilà, c'est terminé. Donc ça va pas. Non. Dans les deux cas, ça va pas. Non, parce qu'en plus je sens que t'allais dire peut-être t'oses pas toucher la brosse, les gens se lavent les mains de toute façon après, donc en soi. Ouais, mais il y a un côté quand t'es hypochondriaque. Moi, je sais que les poignées de porte, les chasses d'eau et tout ce qui est, je me dis ça, c'est jamais nettoyé. Ouais. C'est jamais on nettoie le manche d'une brosse à chiottes ou le. Ah, je sais pas. Tu penses que des agents d'entretien quand ils nettoient les chiottes, ils pensent pas à la brosse. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse et le doute me fait me dire ah c'est dégueulasse. Donc du coup tu prends un bout de PQ, tu la prends avec un bout de PQ, donc c'est un peu fragile, tu peux la faire tomber, tu la fais tomber, non je l'avais tombé. Surtout la finesse du papier cul dans les lieux publics, c'est vraiment ils se foutent du monde quoi, c'est vraiment pour te tester tes limites. Ah c'est terrible. C'est translucide. Tu dis wow, faut vraiment doubler le truc, tripler. Je vois vraiment ma main, j'ai l'impression de rien avoir dans la main. Oui, non mais c'est vraiment ça. C'est un voilage. Mais d'ailleurs c'est fou parce qu'aux États-Unis, et ça pour le coup c'est cool, ils ont ça dans toutes leurs toilettes et en France je comprends pas pourquoi c'est pas obligatoire. Le truc pour poser sur la lunette pour empêcher que ton cul soit en point. Ouais, le U, c'est vraiment pas partout en France. Hein. C'est, y a même peu de c'est rare de tomber sur ce truc-là. De quoi le U est pratique, tu veux dire? Ouais, le truc, le truc que tu. Les toilettes ne sont pas rondes, elles sont U en U. Non, c'est pas ça. Non, c'est des trucs en papier. Feuille, des feuilles que tu sais que tu mets sur la cuvette à disposition. Mais que tu peux jeter dans les chiottes. Ah oui, c'est bien ça. Et tu vois, aux États-Unis, il y en a partout. Et en France, c'est très rare. Alors, je trouve ça la base, en fait, de ne pas poser ton huc là où tout le monde pose son huc. Il y a même des toilettes où c'est un truc qui tourne. C'est du papier, c'est du plastique et sur la cuvette. Oh, c'est ouf. Ça, tu le fais, toi? Non, mais c'est en Allemagne, il y a ça. C'est un truc allemand. J'avais vu ça. En Allemagne aussi. J'en ai pas vu beaucoup en France. Ouais. C'est une invention allemande, en tout cas. T'as un endroit où le plastique va et le plastique sort. Et donc, chaque côté, il y a un truc. Et dès que tu appuies sur le bouton, ça te change la cuvette et la cuvette, elle est propre. T'as une couche de plastique qui se déplace. Mmh. De toute façon, je trouve qu'en termes de technologie, les toilettes, ça est en train d'avoir un essor qui est dingue. Ne serait-ce que le fait que nos mains soient vraiment sèches après les avoir lavées, qui est un truc qui n'était pas concevable il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc où il suffit de faire des allers-retours avec tes mains et que vraiment elles sont sèches après. Moi, vraiment, c'était la base de allez, on finit sur le gym, toujours avec les bonnes grosses traces de mains. C'est un sur échec total, les sèches-mains à chaque fois. Nul à chier. On croirait des chiens en fin de vie. Maintenant, ils font les petits jets d'eau tièdes qui sortent de la cuvette dans quelques hôtels un peu cool. En France Tokyo, non, ouais. Non, à Londres, j'ai fait ça. Ah oui? Enfin, j'ai subi parce que je savais pas. J'ai une grosse surprise. J'ai fait « What ?» C'est hyper étrange. Je pense que c'était froid, j'aurais compris ce que c'était. Ouais. Mais quand c'est tiède, tu fais… Vraiment, ça passe. Ça fait être là, ça. Il y a un sèche-cheveux aussi. Enfin, il y a un truc chauffant et tout. Hein. Pour les chats ouais. Ouais, sur la cuvette ouais, à l'intérieur. En dessous, ouais, t'as un truc qui te sèche le huc après t'avoir mouillé. Ah, parce ouais, que tu mets. C'est ah, cheveux oui, de luxe, ça. Ça coûte, ouais. Coûte 4-5 000 euros. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce qui est plus écologique, l'usage du papier ou l'eau. Il faut. Alors, déjà, en termes d'écologie, non. Arrêtez de chier, déjà. C'est un dermato qui m'a dit ça à l'époque. Il m'a dit faut pas frotter en fait, faut pas frotter votre anus, ça l'irrite en fait. Tapoter. Non mais my god, tu peux pas. Et puis le plus important, à l'eau c'est mieux. Hein. J'ai j'ai mangé 5 ans du KFC, mon pote, tapoter. Je suis pas sûr que ce soit écologique de ouf. Je pense que c'est 3 rouleaux par bucket. Je pense que c'est obligatoire. Je suis très content de cette parenthèse chiotte qu'on est en train de partager tous ensemble. Ça me régale beaucoup. T'avais une histoire de rupture, Tim, ou pas, toi? De rupture? Ouais. Toi, t'as fait une web série sur une rupture, même. Enfin, sur une histoire ouais, d'amour qui s'est. En fait, j'avais. Je regarde. Non, ça s'appelait Relationship, je crois. Ouais, Relationship. Ouais, c'était une petite série. J'ai pas vu ça, faut que je regarde. C'était il y a longtemps, il y a beaucoup de défauts. Mais, ah, bah super. Je sais vendre, moi, je regarderai pas. Super que tu dises qu'il y a des défauts. J'avais mis 15 balles dans le Ulule à l'époque. Bah, merci. Ah, bah voilà. Très heureux d'avoir mis 15 balles dans de la merde, apparemment. Je suis toujours là pour servir. Non, mais c'était juste pas parce mal. Que... Pour l'époque, t'étais tout jeune, mec. C'était vachement bien pour ton âge et tout. Bah, merci. C'était mais cool. L'idée, c'était juste que souvent dans les films, les ruptures, c'est souvent très toujours plein d'émotions, plein de colère parfois. Et du coup, là, je voulais vraiment faire un truc où, en fait, c'est OK de rompre. Et ouais. C'est pas grave. Et ça fait... Des fois, ça fait pas très mal. Non, c'est juste vrai. OK, ben, c'est fini, quoi. Et on a vécu un truc et maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est pas parce que ça fait pas mal que l'histoire d'amour n'était pas ouf. Enfin, la rupture n'a pas à être égale en termes de puissance que ta relation de couple. Ouais. Il y a des ruptures qui se passent très... C'est dur. Bah, je sais pas. Moi, enfin, ouais. Bah, c'est toujours dur, mais tu peux être dans une bonne ambiance pendant la rupture. Bah, déjà, si tu mets un petit Patrick Sébastien en fond, déjà... Pardon, ouais, mais t'es déjà dans un et truc. Un petit bucket de KFC. Et moi, je supporterais pas une rupture. Calme. Ouais. Calme. En fait, je suis pas conflictuelle, mais je me dis, ah, attends, tout ça pour ça, en fait, c'est bon, on est en bon terme, c'est ça, on s'aime bien, en fait, mais on se quitte, connard. Faut que ça soit spectaculaire. Je veux qu'il y ait des roses. Ouais, qu'il y ait au moins une déchirure, quoi. C'est consentant, c'est qu'on a rien à foutre ensemble, ça ferait trop. Ah ouais, tu crois ça? C'est intéressant, ce point de vue. Alors, je vais te raconter ma dernière rupture. Je vais te raconter ma dernière rupture, si ça te dérange pas. Non, j'en prie. J'étais avec... parce que, en fait, d'ailleurs, on m'avait dit récemment, c'était une copine qui m'avait dit « Oh, passons, maintenant, t'es connue, tu te feras plus larguer. » Faux. Faux, étrange. Faux, vraiment. Et j'ai vraiment un exemple qui en arrive. Et c'était... j'avais rencontré une meuf il y a un an et ça match, mais direct. Ça match direct. Pendant 3 mois, on se drogue à l'orgasme. C'est une relation de ouf. Sexuellement, on rigole. Elle fait des origamis, elle est super, quoi. C'est vraiment... Elle vole pas dans les Toys R Us. Elle vole pas, clairement. Elle vole beaucoup moins que l'autre. Elle achète les trucs et on joue avec, tu vois. Non, mais tu vois, c'était vraiment une relation. Je me suis dit, hey, cool. C'est que des... Hey. Et je l'ai trouvée chambée. Et son ex aussi l'a trouvée chambée. Ah, du coup, il est revenu. Et elle est repartie avec lui. Ah. Et du coup, quand tu dis là, tu ne peux qu'accepter cette rupture, tu vois, tu peux pas dire. Et j'étais. Et je vais vous dire un truc, j'ai recentré, c'est pour rejoindre un peu ce que tu dis, Tim, c'est que j'ai 35 ans, je me suis fait larguer, mais je suis au courant. Je suis au courant de ce qui se passe, en fait. Je sais exactement ce qui va se passer quand je me suis fait larguer. La première fois, quand j'avais 15 ans, je trouvais ça totalement inadmissible et je pensais que j'allais mourir, que je ne me relèverais jamais. Là, je connais toutes les étapes. J'ai déjà mes playlists. Je sais déjà que je vais écouter Paranoïde Android et je vais remettre en boucle le passage à 2 minutes 20 où c'est très triste pour me faire pleurer. Et je vais faire, c'est ça. Et je sais, je suis au courant, en fait. Et c'était très consensuel comme façon de tu vois, de... Tu peux qu'accepter, en fait. C'est juste, bah ouais, on se plaît, mais visiblement, t'es encore amoureuse de l'autre et c'est mort, quoi. Et c'est juste dévastateur. Mais même quand j'étais triste, je me disais, ouais, je suis au courant. Ouais, je suis triste. Ouais, je suis triste, mais je sais que je suis triste. C'est normal, en fait. Et je sais qu'à un moment donné, je vais plus y croire. Et je me dis, ouais, je ne retomberai plus jamais amoureux. Mais je sais que ça, c'est normal aussi, que je retomberai complètement amoureux. Mais je suis au courant de tout ça, en fait. Ça, il n'y a plus aucune surprise à ça. Mmh. Et c'est ça qui est blasant, en fait. Je me dis, putain, je me déçois même dans mon malheur. Je me déçois. Et tu ne dis pas que c'est parce que l'amour n'était pas si ouf, finalement, que non, t'as réagi comme ça? Non, parce qu'après, je l'ai revu, genre 6 mois après, et je lui ai dit, écoute, je suis une... j'ai aucun ego à te dire que je t'aime encore et que j'ai aucun ego à ça. J'ai aucun ego à te dire que j'avais les larmes aux yeux. Je sais pas, j'étais dans la peau, quoi. C'est de l'amour, quoi. C'est le côté complètement inconscient qu'on peut pas contrôler, le truc pas raisonné, tu vois. Et il y a une réaction raisonnée par rapport à ça, par rapport à... Non, c'est pas du tout, c'est pas fake, quoi. C'est pas du tout ça. Elle m'a dit, bah non, mais je peux pas, je suis toujours avec mon gars et tout. Je sais pas, ok, d'accord. Et, c'était juste... je me suis dit qu'essayer de la reconquérir, si j'avais réussi, je pense que l'autre l'aurait pas mal pris puisqu'il l'a fait la même chose. Je me suis dit qu'en termes du code des gentlemen, voilà, on peut quand même voilà, chacun son tour. C'était drôle que tu fasses mon petit bonhomme, ça va maintenant. Tu vas pas quand même la ramener. Attends, s'il te plaît. Il y a même pas de baston possible. Bisque-bisque-rage. Non, mais c'était. Et du coup, là, je suis juste dans une période où je dis bon, bah voilà, ça commence à s'atténuer dans la fin du deuil de cette relation et ça y est, ça commence à partir et je vais pouvoir, tu vois, récupérer un peu mes points, quoi. Comme c'est quand tu as un téléphone, tu récupères tes points, quoi. Tu peux racheter un autre, enfin, tu peux avoir un nouveau téléphone, quoi. Là, je suis reprêt à aimer maintenant. Alors qu'avant, je le savais. Je savais que j'avais une chute de libido. Je savais tout. Ah ouais. Je savais tout de A à Z. Et je dis, bah voilà, je suis au courant maintenant. Ça y est. Si je me refais larguer, je vais être encore triste, mais je vais me dire, oui, c'est normal d'être triste, c'est normal, t'es en manque. Donc, il y a un truc complètement raisonné et j'étais complètement dans un truc, bah ouais, mais en même temps, elle veut pas être avec toi, même si c'était chambé, il y avait plein de trucs. Ouais, mais moi, je suis persuadée que c'est parce qu'il y a une mini part de toi qui s'est dit, en fait, ouais, mon corps, je l'adore, cette femme, elle me va, etc. Mais c'est pas the one, tu vois. Ah, tu crois ? T'as peut-être raison. Sinon, non, mais c'est drôle, ces deux façons de voir qui s'affrontent. T'as peut-être raison, Alison. Mais genre, tu sais que t'es hyper bien avec eux, mais qu'ils te vont pas, qu'ils t'iront pas, mais t'es trop bien avec eux. Mais c'est de la putain de merde. C'est de la drogue, en fait. Ouais. T'es addict. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est une version, en tout cas, c'est une version très. En tout cas, pour te dire, c'était très calme comme rupture. Même mes larmes étaient très calmes. Et même quand je pleurais à 2 h du matin, je me disais, bah oui, je fais mon deuil, c'est normal. Ouais. J'étais dans un deuil, en fait. Et à 35 ans, je pense que le deuil, c'est quelque chose que maintenant je connais. Et j'ai perdu mon père, ma grand-mère. J'ai perdu des relations. J'ai perdu des amis qui n'en étaient pas finalement parce que c'était pas des amis, qui des gens qui ont mal agi. Donc du coup je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait c'est ça le deuil et du coup à 35 ans maintenant je m'habitue au deuil et je me dis, ah ok, d'accord, donc maintenant c'est une nouvelle étape de ma vie et j'ai l'impression que le seul truc qui va me retrouver, un truc que je ne connais pas, c'est l'enfant, c'est-à-dire avoir un enfant, c'est là où je vais revivre la vie par le prisme de la première fois. C'est-à-dire qu'il y a ce côté bizarrement à 35 ans on quitte les premières fois, je n'ai quasiment plus aucune première fois sauf si je saute d'un en parachute, tu vois, mais c'est des trucs assez extrêmes. Mais je te parle dans le quotidien, je n'ai plus aucune première fois. En termes d'émotion, tu veux dire. Ouais. Si je retombe amoureux, je fais, putain, c'est chambé, mais je connais. Mais ça va être chambé. T'as pas peur, justement, que ce côté. Ben, moi, je dis que c'est de la blasitude ou un côté un peu blasé, que ça t'enlève de la spontanéité. Tu vois, par exemple, cette fille qui est partie, si t'avais pas connu ce truc de deuil, tu serais peut-être allé la récupérer. Tu serais peut-être allé la récupérer. Je suis allé la récupérer. Ah ouais, donc ça va. Mais tout était logique, tout était logique. Vraiment, c'était genre, bah oui, je vais essayer de la récupérer, c'est normal. Ça marche pas, donc voilà. Ça marche pas, et voilà, et je vais pas. Et ça marche pas, j'aurais essayé, et je m'en veux pas, en fait. Parce que dans les trucs que t'as pas testé, il y a la prison, et que si tu retournes encore une fois, là, pour le coup, t'as une première fois pas ouf. Voilà, t'es pas ouf. Mais si tu veux, il y avait ce côté pas blasé, mais c'est pas genre, ouais, je m'en fous. C'est parce que ça me touchait vraiment profondément. J'étais profondément touché. Mais j'étais dans un délire où je connaissais, quoi. I know that shit. Non, c'est ça, je connais ça. Ouais, je connais. Bah, ouais. C'est comme quand quelqu'un se fait larguer, tu fais, bah, ouais, viens, on va boire une bière, on va rigoler. Ah, ça me fait rire, je pensais l'autre jour, je reparlais avec je sais plus qui, des phrases qu'on te dit quand tu es en rupture et qui font aucun sens sur le moment même. Je me souviens à un moment rare dans ma vie où je pleurais à gros sanglots parce que c'était fini avec mon copain de l'époque. J'appelle ma meilleure amie et j'entendais pas du tout ces mots et je les entends un an après. Je me respectais pas du tout, quoi. J'étais hideuse. Elle me reconnaissait pas. Elle dit, je comprends pas ce que ton visage, ta tête, ce que tu dis, c'est horrible. Et elle me dit, je te dis un truc, tu vas pas me croire, mais Aïssan, tu vas pas en mourir, d'accord? Tu vas pas mourir. Je me rappelle que sur le moment, ça ne voulait rien dire parce que j'avais l'impression que mon cœur, il se mettait des coups de couteau tout seul. Wow, et maintenant, je fais bien sûr qu'elle avait raison. Mais bien sûr qu'on ne meurt pas d'une rupture. Mais c'est important en tant qu'ami de rappeler les bases. Ce serait vraiment nul. Mais vraiment, dans mon deuil, je me disais, mes amis vont me dire ça et je ne vais pas les croire. Et à un moment donné, c'est chiant ça. Mais je le savais. Ouais. J'étais au courant et je vais dire, ouais, ils ont raison de me le dire parce que je le dirai à leur place. Tu vaux mieux, tu mérites mieux. Et t'es là, je m'en fous, je veux mériter moins. Moi, je veux juste être. Je veux qu'on me roule dessus. Je veux sentir le coin de son cou. Je veux juste ça. Je veux juste ça. C'est ça que je veux. En fait, c'est pour eux, c'est sûr, c'est presque une mise en scène, quoi. T'as l'impression quand tu. C'est un package. Tu le vois et tu. Ouais, bah en fait, je connais le scénar, quoi. C'est ça, je connais le scénar de la rupture maintenant. Alors après, je suis. Si je me refais larguer. Je me le souhaite pas, mais c'est possible que ça y ait de la nouveauté. Oui. Et peut-être la nouveauté, c'est une histoire qui dure 30 ans aussi. Ouais. Ça se trouve, ce serait ça, genre. Excuse-moi, pardon, je viens d'en réfléchir, ça fait 8 ans en fait. Un nouveau floodcast. Et maintenant, j'ai 72 ans. Et je suis au courant. Je suis au courant. Non, mais tu vois, ce serait peut-être ça la surprise de tes émotions. C'est que dans ton package, d'un coup, il n'y a pas la fin, tout de suite en tout cas. Tu vois, que ce soit une fin qui arrive beaucoup plus tard après ce que tu racontes. Ouais. Je sais pas du tout à quoi ressemblera ton futur, parce que si c'était le cas, mec, je serais blindé si je pouvais deviner ça chez les gens. Mais tu vois qu'après que tu passes après mariage, enfant, je dis n'importe quoi, c'est une nouvelle rupture. Ce serait dans ce cas-là un nouveau package de trucs que tu connais pas. C'est la rupture de quitter le confort, et surtout, je pense que je te dis encore une fois, c'est la première fois, c'est l'enfant qui va l'apporter. Tu penses, ouais. Je pense parce que le quitter le confort, je l'ai déjà fait. C'est beaucoup de pression. Hein. Ouais. De quoi donc ? Pour un enfant. De quoi donc ? De sentir qu'il était la première fois. Non, je pense parce que tous les enfants de mes amis, quand je m'amuse avec eux et tout, tu sais, quand tu rigoles, tu les vois marcher et tout, j'étais super ému. Et puis l'enfant le ressentira peut-être pas. C'est des moments d'émotion. Non, c'est des moments où tu lâches prise, où t'es plus du tout dans le contrôle, t'es dans un moment. Mais même quand j'étais triste, je lâchais prise, j'étais là genre, je suis triste. Mais je me disais, bon, bah maintenant je suis triste. Mais je le savais en fait, tu vois, c'était genre, bah voilà, je suis triste. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qui va m'arriver ? J'appelais mon pote, je dis ouais, elle me manque. Je suis désolé de te saouler avec ça, et je sais que ça te saoule, mais je suis obligé de te le dire, elle me manque. Moi, j'adore les phrases de pote. Il me fait, bah ouais, mec, bah ouais, elle te manque, bah ouais. Alors que quand tu l'appelles, t'espères qu'il te donne une solution. Bah ouais, mais non. Il dit, bah ouais, je t'écoute, mec, parce que je suis ton pote. Ah ouais, bah ouais, elle te manque. Elle te manque, bah ouais, elle te manque. Non, et puis ouais. Et puis je me sentis vachement ridicule d'aller essayer de la rechercher et tout. Et puis je trouvais ça beau d'être ridicule, et puis je me suis dit, bon, bah. C'est la vie, quoi. C'est la vie d'être ridicule aussi, d'être. Et puis c'était pas ridicule au final. Oui, bah c'est non. Ça, c'est ce que j'avais dit. Parce que j'ai aucun regret dans l'histoire maintenant. J'ai aucun regret. Et maintenant que j'ai fait mon deuil, j'ai aucun regret. Ouais. Et puis, si tu te sens ridicule, faut toujours se dire que t'es ridicule dans le film de ta vie. Mais en vrai, t'es pas ridicule pour l'intégralité de la planète, à part toi, en fait. C'est personne. Beau ce que tu dis, non, mais c'est vrai. T'es ridicule dans le film de ta vie. Ouais. Sauf si t'es dans le film d'Alison, ou dans ce cas-là, bon, t'es avec Zac Efron. T'es ridicule de toute façon. Non, tu vois des shots avec Zac Efron. C'est intéressant. Pardon, tout ça. J'ai un peu. Mais non, l'ambiance, pas du tout, justement. C'est très bien. Non, non, parce qu'on ose moins faire des blagues de KFC et de diarrhée quand tu racontes ça. Mais non, au contraire, c'est super intéressant. Et puis, tu sais, en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ce podcast. On a un public large, mais celui qui réagit le plus premier degré sont les jeunes, en fait, bizarrement, comme ce qu'on fait sur YouTube, en fait. Tu dis, je parle des gens de mon âge, et en fait, souvent, tu parles à des gens qui ont quand même 5-6 ans de moins que toi. Ouais. Et je trouve ça bien de partager ça avec eux, parce que, je pense que là, techniquement, dans l'âge qu'on a, ils sont dans un âge où ils commencent à se dire, est-ce que la première vraie rupture d'adulte, peut-être, truc comme ça, des trucs comme ça. Et c'est bien de dire à des gens... effectivement, on n'en meurt pas. Voilà, ça peut paraître très con de dire ça. Peut-être qu'on est votre meilleur pote actuellement à qui on envoie des textos. Peut-être qu'on est Zac Efron avec des shots et qu'on dit « Mec, t'inquiète, viens, on va se taper des meufs. » Mais en vrai, on n'en meurt pas. Et on ne sous-estime pas votre peine, parce que ce que vous ressentez là, on sait que vous pensez que vous ne vous en mettrez jamais. Mmh. Et vous avez raison de le penser, parce que c'est exactement ce que vous ressentez. Ouais. Mais par contre, bizarrement, on s'en remet. Ouais, c'est et sûr. Le temps est votre seul ami, et vous arriverez juste à avancer par rapport à ça. Vraiment. Si on peut leur donner un Oui, non, mais c'est conseil. Sûr. Moi, j'aurais aimé avec un speech quand j'étais en train de pleurer toute l'arme de mon cœur. Dude, I know that shit. et des conseils pratiques dans la vie de tous les jours, pas des trucs de fais du sport, des trucs qui sont durs quand tu vas pas bien. Moi, je trouve que manger, c'est bien. Ouais. Regarder des séries, c'est bien. Tu vas pas bien. La glace. Ouais. Le sucre. Le sucre. Alors, je sais que je vais faire un film qui sort dans un mois qui est contre le sucre. Mais en vrai, je sors un film, un documentaire sur le sucre que j'ai pris. Ils ont, c'est un documentaire australien sur le sucre et qui a justement te déconstruit un peu l'industrie du sucre et tout, qui est hyper intéressant. Vaut mieux hyper manger de la cassonade ou pas? Clairement, faut arrêter le sucre. Vraiment, totalement. Non, mais faut arrêter l'industrialisation du sucre. Quoi. C'est vraiment abusé. Mais c'est très drôle et très communicatif. C'est pas culpabilisant et tout. Okay. C'est hyper bien fait et tout. Par contre, le sucre t'apporte un truc, c'est que quand tu vois un truc sucré, quand t'es un peu addict, c'est-à-dire que tout le monde est un peu addict ici, parce qu'on a tous mangé du sucre, tu vois, quand on mange des sushis, des sauces sucrées, tout ça, c'est qu'on est un peu addict au sucre, forcément. Mm. Par exemple, là, t'as mangé 2-3 cuillères de sucre sauce avec ta soja, sauce, coca, avec ta sauce sucrée, t'as mangé 2-3 cuillères de sucre pur. Ouais. Oui, bah laisse-moi tranquille maintenant, il n'y a pas que moi qui non, mais t'es addict. En fait, il faut savoir une chose, c'est que quand tu donner un conseil, remplacez ça par l'héroïne. Par la coke. Ouais. Aux gens qui sont en rupture, piquez-vous. Voilà. Vous n'en mourrez pas. Je comprends pas, il est dans sa chambre, il écoute des podcasts. C'était un garçon très équilibré. Il rigolait, mais là, il rigole plus du tout. Il mange des éponges. Non, mais il y a un truc, c'est que quand tu vois un truc sucré, genre tu vois un Kit Kat, un truc comme ça, ton corps t'envoie une décharge de dopamine. Non, moi, il m'envoie et du coup, ça te fait un shot de bien-être. Et du coup, tu sais, avant même, et du coup, t'as plus de jugement. Et ce qui fait que quand t'es en rupture, le simple fait de manger des trucs sucrés, ça te décharge de la dopamine. Ouais. Et la dopamine t'aide à aller mieux, de toute façon. Il faut faire des Claude François de dopamine, quoi, quand t'es en rupture. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de décharges, quoi. Il faut vraiment un truc. Aller dans le pot de Nutella, dans le Ben & Jerry, faut pas hésiter, quoi. Non, mais ça fait du bien, le sucre. Ouais. Le chocolat, les choses comme ça, ce sont des choses qui ce sont des antidépresseurs, parce que ça te décharge de la dopamine. Les vidéos animalières font du bien. C'est tout moi, ce qui est végétal. Je kiffais. Ouais. Moi, je sais, moi quelqu'un, un pote m'a dit, et ça m'a touché qu'il me le dise, moi, je suis nul. Moi, on m'appelle pas, hein, quand il y a une rupture, on sait que de toute façon, je ne serai pas de bons conseils et que je ne dirai pas les bonnes phrases. Ah bon? Vraiment, ouais, très peu. Ouais, très je peu. Te voyais pas comme ça. Ah bah, je sais pas, en tout cas, les gens n'y pensent Flaubert, pas. Flaubert, je viens de me faire larguer, qu'est-ce que tu me conseilles? Allume le gaz. En vrai, je suis avec ma meuf là. Mec, là, c'est chaud, je suis resté avec ma meuf, on est en train de passer un super moment. Je te rappelle demain? Non, ouais, en fait. Je te raccroche pas. Oui, non, mais c'est un relou. Ouais, moi, je t'aime, mon. Ouais, moi, je t'aime de tout mon cœur. Ça s'arrêtera jamais, de toute façon. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens n'y pensent pas. Ça se trouve, je suis super hein, pour remonter le moral, mais les gens n'y pensent pas. En revanche, un pote m'a dit que ce qui est bien, c'est que je fais que des vannes sur la personne. Genre, je suis très méchant avec l'ex. Cathartique. Ah, je suis horrible. Tu aides à détester la personne. Ah, je suis horrible. Mais je ça, fais c'est les génial. Blagues. C'est exactement j'ai ce 50 dont blagues parlais. De couple que je garde dans mon cœur que je pouvais pas dire sur leur couple parce que personne aime entendre des vannes sur son couple. Que là, du coup, je peux sortir et jouer les vannes. Et en vrai, il y a des gens qui aiment bien. Donc, si vous avez un pote qui est un peu vanneur, peut-être qu'il peut vous faire du bien. Là, récemment, ça m'est arrivé. Défoncer l'objet. Et là, le couple et la personne. Et voilà, là, j'ai une pote récemment qui s'est fait larguer. J'ai pas arrêté de chier sur son mec pendant 2 heures avec que des vannes horribles. Elle m'a dit, j'aime bien. Ça me fait charmé. Bonne idée. Il faut roaster votre ex avec vos amis. Mais ça, c'est un très bon conseil. T'as chié combien de buckets sur le gars? Je remercie KFC qui nous sponsorise d'ailleurs. Je les remercie très fort. On parle vraiment beaucoup de vos buckets et de la chiasse que ça procure. On va passer à la troisième partie. Et dernière partie, parce que, excusez-moi, je ravale ma salive. Dernière partie, parce que pas de jeu aujourd'hui, malheureusement. Moi, j'ai un truc qui s'appelle la liste de la rage. J'ai tous les trucs qui m'énervent. Non, c'est bon, on a déjà fait quand assez. Quand tu bois de l'eau de Javel. C'est vrai que c'est saoulant, c'est ça. C'est vraiment relou. Ça fait pas plaisir. En revanche, quelque chose qu'on ne conseille pas après une rupture, d'ailleurs. Boire de l'eau de Javel. Ouais, c'est vrai. Évitez ça, de le on faire. On ne conseille pas ça. Des questions que j'ai reçues sur le Curious Cat de l'émission. À chaque fois, j'annonce les invités la veille où on enregistre le Floodcast et des gens, donc les gens qui écoutent Floodcast, posent des questions. C'est des gens qui vous connaissent, vous posent des questions. Timothée. Oui. T'imagines bien que là, je vais. Alors, pour les gens, ce sera déjà sorti les premiers épisodes, mais je vais te parler de Calls. Oui. Les gens se demandent comment ça s'est passé, cette idée de Calls. Comment s'est passé? Est-ce que tu es allé voir Canal+, ou Canal+, est venu à toi? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, bien sûr? Bah, en fait, pour faire simple, j'avais fait un court-métrage avec Norman Penelier, un ingénieur du son et un compositeur très talentueux, de musique, exactement, et qui avait le même concept, en fait. C'était sans images, c'était seulement des appels téléphoniques. Et l'idée donc, du court-métrage, c'était, voilà, pendant 10 minutes, on suit un appel téléphonique pendant une sorte d'apocalypse. Et donc, on a fait ça avec aucun moyen, avec seulement des téléphones, donc aucune image et une sorte d'interface avec des sous-titres. Et c'est Lorenzo Benedetti, donc producteur du Studio Bagel, qui est venu vers moi et qui a eu l'idée d'adapter ça en série et de proposer à Canal+. Donc moi, j'étais totalement chaud et voilà l'histoire rapide. De Calls. Ouais. Kian, y aura-t-il une sortie DVD de ton super spectacle? Merci pour le super spectacle. Je suis désolé, c'est anonyme, donc on n'a jamais les noms, mais quelqu'un a trouvé le concept d'affiche. Eh bien, merci beaucoup. Je travaille à quelque chose. J'y travaille pour que ce soit au mieux. Oui, il y avait aussi une question qui disait est-ce que ce sera sur des plateformes de téléchargement. Je fais tout faire pour que ce soit extrêmement moderne. Voilà. En termes de consommation de ce produit, pour parler comme un capitaliste, un fervent capitaliste. Non, je vais faire en sorte que ce soit extrêmement. Moderne en fait. J'y travaille et j'essaie de me poser les bonnes questions. Voilà, on te connaît avec ton comparse Bruno, amoureux du concept, et là peut-être vous cherchez un concept en tout cas. On cherche un concept, voilà. On cherche un truc, on veut faire bien les choses et on veut créer une nouvelle donne. Voilà, en tout cas on y travaille très très fort et on espère que ce sera à la hauteur de ce que vous attendez. Très bien. Question pour Alison Wheeler. J'apprécie énormément tes chansons comme Ode à mon ex, Ode à un ex, Ode à mes seins ou ta participation dans Clash d'astéroïdes. Est-ce que tu as un projet musical d'une grande ampleur ou tu gardes ça pour t'amuser à l'occasion? Je reparaphrase, est-ce que tu aimerais peut-être être l'équivalent d'une Fatal Bazooka du R&B? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'amuser? J'adore chanter, j'adore faire des chroniques, j'adore faire des blagues. Je pense qu'au fond de moi, il y a une petite Tyson qui aurait rêvé être Rihanna, tu vois. Mais j'aimerais pas faire une Fatal Bazooka féminine parce que déjà, il l'a fait trop bien, Michael Youn. C'était beaucoup trop drôle. Oui, oui. Et voilà, ça serait refaire quelque chose en moins bien. Après, refaire quelque chose de musical avec de l'humour, ouais, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai du mal à m'entourer de gens plus forts qui aient le temps, l'argent et l'envie de faire ça. Bien sûr. En radio, c'est facile à faire parce que tu fais des blagues et sortir de ta zone de confort et raconter d'autres trucs, c'est plus difficile. Quelqu'un qui aurait le temps, l'argent et les sentiments, par exemple, on peut dire. Ouais. Alors, c'est une private joke que vous comprenez peut-être dans 3 mois, parce qu'en ce moment, on peut le dire peut-être qu'on ne sait pas quand ça sort. On a écrit un truc avec Alison qui est tourné, qui a été réalisé par Théodore Bonnet. Putain, mais tout le monde confond, c'est incroyable. Il reçoit des messages de fois en mode c'est cool, Cole. Théodore Bonnet. C'est incroyable. Théodore Bonnet, on ne peut pas en dire plus, mais en tout cas, c'est tourné. Voilà. Et on espère que ce sera visible dans pas longtemps. En fait, je crois que mon rêve, pour te répondre, ça serait de faire des comédies musicales. Ça, j'aimerais. Avec des vrais compositeurs, avec de la mise en scène, avec des trucs de ouf, des trucs qui pètent, je descends du plafond. Mais avec des blagues quand même, genre The Book of Mormon. Ouais, j'adorerais. J'ai une question, Alison, et on peut repartir dans le montage. Est-ce que faire de la... Je me pose la même question. Est-ce que faire de la musique en rigolant, c'est une manière de ne pas assumer que tu veux faire de la musique? Ouais, je pense. Mais c'est pas grave, c'est de la musique quand même. Ouais. Il y a plein de chanteurs qui sont... Enfin, t'écoutes du Lily Allen, t'écoutes de, je sais pas, même Eminem, plein d'artistes. Le premier album de Mathieu Chédid. Il y a beaucoup d'humour dans le premier album de Mathieu Chédid. Ouais, carrément. Oui, mais c'est-à-dire, par exemple, ces gens-là peuvent arriver sur scène en baissant la tête et en laissant le public crier. Et c'est pas drôle. Ouais. C'est pas pour imiter les gens qui font ça. Ouais. Ils peuvent faire genre... la lumière s'allume et les gens font... Wah! Toi, si tu fais ça, on se dit « Ah, elle fait comme les gars qui font ça. » Tu vois la différence? Oui, mais moi, quand je vais voir une comédie musicale à Londres et que c'est drôle, j'ai quand même envie de chialer parce que je vois des vraies choses. Oui, mais ils sont très sérieux, mais là, tu as toujours une sorte de parodie. Quand tu fais les trucs, tu fais toujours une sorte de parodie de ça. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est une manière de chanter, en fait, au final? Oui, parce que je pense qu'aussi, on a un truc chez les Français, c'est que si tu ne fais pas un truc parfaitement, tu n'assumes pas. Si tu dis, si je n'ai pas une voix incroyable, ou je ne maîtrise pas un instrument, ou je ne sais pas faire, j'ai pas une voix de tête de ouf, ou je ne sais pas faire français, des vibes ça, de... Moi, je vis mal la pression quand tu veux faire quelque chose, surtout quand tu es comédienne, tu te vois reprocher, ah non, ça y est, elle se prend au sérieux, ok, super, ouais, c'est haché, elle fait la comédienne qui veut sortir un album, elle se prend pour je ne sais pas qui, tu te fais taper sur les doigts dès que tu veux sortir et faire autre chose, alors que quand tu as 12 ans, ta mère, elle te dit « Tu veux faire de la poterie ? Très bien. Tu veux faire du judo ? Je valide. » Et quand tu grandis, c'est plus possible. Et moi, ça me fout en l'air. Mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. Mais oui, tu as raison. Je pense que c'est une façon de se cacher. Mais c'est mignon aussi d'être pudique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très beau. Mais il y a des gens qui me disent que je n'ai pas la même voix quand je chante des blagues et quand je chante sérieusement. Ah ouais ? Ah, c'est intéressant. Voilà. Mais plus j'ai réfléchi à ce truc-là, et plus, en fait, je me suis dit, et ça rejoint ce que dit Kian. C'est que pourquoi faire un perso dans ce cas-là? Pourquoi pas faire moi? Ouais. Et pourquoi on se dit que c'est jamais suffisant de jouer soi? Et j'aurais aimé, mais je suis très contente d'avoir fait ce truc-là parce que ça m'a permis de voir des trucs. Mais des fois, soit c'est suffisant et raconter des trucs qu'on a vécu, ça peut être drôle et touchant. Mm-hmm. Complètement. Bah, j'aurais peut-être dû me cantonner à ça. Bon, de toute façon, j'ai envie de te dire un truc. T'as pas, enfin, tu vois, t'as encore le temps de faire ça. On sait pas. Tu sais, les changements de carrière. Oui. Tu vois, t'es pas ton voisin du dessus. Hein. bonjour. Ouais, je savais pas comment finir. J'ai tenté une pirouette. Ce sera le nom de ce podcast. T'es pas le voisin du dessus. Question pour Kian. Quels sont tes projets pour l'année 2018? Alors, déjà, travailler sur le DVD de, enfin, sur l'exploitation vidéo de Pulsion. Voilà. Sur la manière de mettre ça en vidéo. Déjà, c'est le premier projet. J'aimerais vraiment raconter des histoires, hein, de manière plus longue. Parce que, bref, c'était cool. C'était la maîtrise de la recherche, en tout cas, de la maîtrise de la narration et du montage, de la réalisation. Bloqué, c'était vraiment la direction des acteurs avec une contrainte forte, un plan fixe. Et la recherche de la variété des idées. Serge, ça faisait 3 minutes d'ailleurs bloqué. Bref, ça faisait une 2 minutes. Bloqué 3 minutes. Et Serge, ça a monté à 8-10 minutes. Et c'était trouver les idées en improvisation avec l'acteur et d'être en symbiose avec l'acteur. Donc la direction d'acteur encore améliorée, différente. J'ai l'impression que je suis en train d'évoluer vers des formats plus longs et j'ai en train de prendre du plaisir à ça. Et maintenant, j'ai l'impression de me sentir un peu plus légitime à peut-être imaginer un long métrage ou imaginer une histoire plus longue, en tout cas. Donc j'y pense de plus en plus et il y a des projets qui sont en cours, mais c'est trop. Oui, non, ça sert à rien de lancer des trucs. Je vais faire ça va être bam bam parce que les idées sont tellement fragiles et les idées sont tellement changeantes que j'ai 35 ans, je suis au courant de ça. Voilà, quand j'ai une idée, je sais ce qui se passe. Non, mais voilà. Parce que je me permets du coup de poser une deuxième question. Quelqu'un se demande, est-ce que potentiellement un projet littéraire pourrait t'intéresser? Livre, BD, bon, autobiographie, t'es peut-être un peu jeune, mais en tout cas, voilà ce genre de projet. Ouais, de ouf. Ouais, ça m'intéresserait vachement. Ça, c'est un putain de défi. Je me suis remis à lire et quand je relis, je suis putain, j'aimerais aussi, moi aussi, écrire des trucs. Après, est-ce que je saurais le faire? Je ne sais pas. Est-ce que je suis à la hauteur? Je ne sais pas. Rien ne m'empêche d'essayer de faire un truc et tout, mais je prends des notes depuis quelques temps déjà sur un projet comme ça et on va voir que ça va donner. Très bien. Une question pour Timothée. Qu'est-ce que ça a fait de diriger d'aussi grands acteurs pour ta première vraie série? Vraie série, ça ne veut toujours rien dire parce que pour moi, des web-séries sont aussi des vraies séries, mais bon, ce qui veut dire, j'imagine, ton premier projet produit, beaucoup des mis acteurs en avant, scénarisés, et que c'est des acteurs... alors déjà, on peut le dire, il y a Kian qui fait partie de ton projet. Mmh. Et il y a aussi des scénarisés, je n'ai pas dit. Mais il y a des gens comme Mathieu Kassovitz, Marina Foy, Gaspard Ulliel, Charlotte Lebon, plein de gens. Ouais, c'était ouf. C'était improbable d'attirer autant de personnes avec un projet aussi étrange, aussi atypique. Vraiment, il n'y a pas d'image et du coup, ça relève d'un challenge différent en fait des autres films où on a l'aide de l'image, de l'expression faciale et des mouvements. Là, c'était vraiment presque un défi. Peut-être que ça aussi, je sais pas, qu'est-ce qui t'a aussi toi attiré. Peut-être que tu pourras aussi aider. Bah écoute, moi j'ai trouvé. Ah pardon, c'était pour Kian. Moi, ce qui m'a attiré, c'est que tu sais ce que tu fais. Moi, c'est le plus grand atout de charme d'un réalisateur, c'est le mec qui sait ce qu'il fait. Il a une vision, tu dis je le suis. Quand tu m'as envoyé ton texte, c'est le premier truc que je t'ai dit, je vais pas lire. Je te dis ok, parce que je sais que t'es doué, que tu sais ce que tu fais, que je vois où tu veux aller. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai appelé. Oui. J'avais vu ses courts-métrages. Et je l'ai appelé, j'ai fait « Ouais, salut, c'est Kian, je suis acteur. Et j'adore ce que tu fais. Si un jour tu veux qu'on fasse un truc ensemble, c'est avec grand plaisir. » Et puis, on a parlé pendant des heures. Et puis ouais, c'est quand un mec sait ce qu'il veut. Et voilà, Tim, à ça, t'as 23 ans. Et c'est tout à ton honneur d'avoir déjà autant de vision et de savoir mener un projet à bout, de faire des trucs qui déchirent, qui soient léchés, qui soient beaux, qui soient forts. Il n'y a qu'à regarder ton court-métrage qui s'appelle Uplife pour savoir ce que tu fais. Quoi. Donc voilà, moi, c'est juste sa qualité principale, c'est qu'il sait où il va. Et tous les acteurs aiment ça, aiment savoir que tout ce qu'ils font, ça va être... tu vas en prendre le jus et tu vas juste nous rendre meilleurs dans nos interprétations. Et il y avait des gens dont tu étais... Enfin, après, c'est pas trop personnel, mais des gens dont tu étais fan du travail. Enfin, tous, ils sont ouf, mais il y avait des gens où tu disais, je sais pas, gamin, putain, je rêverais trop de travailler avec tel mec ou telle meuf. Gamin, ou voilà, des acteurs dont tu rêvais. Non, mais déjà Kian, en vrai, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec toi. J'adore quand après... tu dis, on dirait, j'ai envie de te mettre une claque dans ta gueule. En fait, tu l'as vu. Je t'admire vraiment beaucoup. Quoi. Putain, ouais, tu serres les dents. Là. Non, tu me fais mal, lâche-moi. Non, Kassovitz, c'est ouais. Enfin, bien sûr. Il y a eu la haine qui a tellement été un impact global sur beaucoup de personnes et évidemment sur moi. Mais même s'il a fait beaucoup d'autres œuvres en tant que comédien et en tant que réal. Mmh. Bah, c'est le mec d'Amélie Poulain. Moi, c'est vraiment ça aussi. C'est le mec d'Amélie Poulain. C'est quand même assez stylé. Il y a Charlotte Lebon, j'aimais beaucoup son travail. Enfin, j'aime toujours beaucoup son travail en tant qu'artiste et en tant que... En tant que Miss Météo, d'ailleurs, est-ce qu'on peut la comparer à d'autres, je sais pas, au hasard? Là, tu lances un débat. Non, il y a Gaspard Ulliel, enfin, quasiment tous Marina Foïs. Oui, bien sûr. C'était... Gaspard Ulliel, quelle classe. Oh, je l'adore. Ah, là, quelle classe. Mais je l'adore. Tu l'as vu dans Hannibal? Non. Alors, le film n'est pas ouf. Je l'ai vu quand j'étais très jeune. Mais il parle anglais et tout. Il a une classe. Il a une classe. I'm not the person I'm expected to be anymore. Ouais. La pub bleue de Chanel. Mais moi, j'ai reconnu direct. Bah, avec les trucs, les murs qui tombent. C'est pas le truc qui est réalisé par Scorsese, genre. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, Scorsese. C'est vrai. Ouais. Ouais. Timothée, tu passes après Scorsese. C'est bleu, quoi non, j'ai envie de dire ça. Non, Blue de Chanel, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est ça, les pubs de parfum, ça m'énerve. T'as vu celle avec Nathalie Portman où son mec lui dit. Elle est trop belle, Nathalie Portman. Ouais, bah voilà. Elle est incroyable. Bon, ça, je comprends, d'accord. Ça, c'est parfait. Ensuite, c'est exactement ce qu'on voulait. Ce step-là, son mec lui dit je t'aime et elle lui dit quoi? Elle dit prove it! J'ai pas vu moi celle-là. Je fais ça, ça part en rix. Elle crie comme ça? Oui, elle hurle et elle court dans Paris pieds nus. Vraiment, c'est. Qu'est-ce que tu veux faire tranquille dans la rue elle à Paris? Se c'est pas la Toy Portman pieds nus là, qui se passe? Avec une robe à poil. Le mec est toujours dans la chambre d'hôtel avec Benjamin Milieb derrière qui croit. Mais reviens. Il court plus là. Ils sont plus ensemble. Ah merde, ouais. Putain, oui, j'ai voulu faire une vanne. Et... Benjamin d'accord. Millieb. C'est la phase de Joe, ça. C'est la phase de Jonathan Cohen dans Bloqué. C'est resté. Je l'appelle tout le temps Benjamin Millepied, Benjamin Millieb. C'est tellement marrant. Millieb. Ouais, c'est vraiment il Cohen. Il a inversé le mot pied. Dans un nom de famille. Bon, c'est ça, Benjamin Millieb. Alors, Alison. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que tu auras le droit de nous dire ou pas, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça fait de travailler dans une aussi grosse production que doit être Gaston Lagaffe? Rappelons que tu vas jouer dans le film Gaston. Enfin, je ne connais pas j'ai le vrai titre. J'ai déjà joué. Oui, mais que le film va sortir de Pierre-François Martin Laval, qui est l'adaptation de la BD de Franquin, Gaston, dans lequel tu joues Mademoiselle Jeanne. Oui. C'est vrai que tu joues Mademoiselle Jeanne? Oui. Putain, ça a claqué. Ils t'ont atteint les cheveux? Bah oui. J'étais très orangée pendant plusieurs mois, mais j'aime bien avoir une tête bizarre. Ouais, c'est marrant. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Je me suis éclatée sur ce tournage qui avait des comédiens super. Gentil PF, hein. Il est gentil. Et puis, il a un sens de la comédie de fou. Et donc, il comprend les propositions. Il s'est filtré. C'est génial de pouvoir être dans un film où tout est permis parce que c'est de la comédie et c'est de la BD. Donc, tu peux être un peu extravagant. Et il y a des gags... c'est hyper divertissant d'assister à la conception des cascades, une porte qui se craque. On a tout fait, on a foutu le feu à plein de décors. On a il y a un instrument de musique. Vous le verrez en salle. Okay. Non, en vrai, j'étais pas là tous les jours, donc il y a plein de choses que j'ai ratées, mais il y a plein de choses très fidèles. Bah, c'est à un la fan, BD. Hein, PF. Hein, c'est un fan de Gaston Lagaffe et de Franquin en général. Hein. Il y a eu énormément de taf. Ouais. Il y a eu énormément de taf fait sur ce film, ça se voit. Enfin, c'est. Faut pas que ça se voit au final, mais il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'amour. Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré. Je me suis beaucoup, beaucoup marrée. Et ça sort quand, à peu près? 4 avril, je crois. D'accord. Bon, bah, écoute. Je te dis que c'est génial, mais je l'ai pas vu. Oui, oui, non, mais en tout cas, l'expérience. On sait pas. Ouais. Le tourné, c'était génial. Voilà, c'est ça. Mais je me permettais en tout cas une présentateur télé. Eh bien, on a hâte de voir ça. Kian. Oui. Une question pour toi. On t'a vu chez de grands réalisateurs prestigieux récemment, entre parenthèses Alain Chabat, Albert Dupontel, Cédric Clapiche. Peux-tu nous expliquer ce que ça fait de travailler avec d'aussi grands réalisateurs? Alors, j'imagine qu'avec chacun, c'est différent, mais peut-être quelques mots sur ceux où ça t'a le plus marqué ou... C'est très flatteur. C'est très motivant de voir que ces gens-là, que tous les grands que tu admires sont des gens humbles et simples. Et qui ne sont que des gens qui travaillent pour faire des belles histoires. Leur but, c'est de que le public soit, voilà, soit de conquérir le public avec leurs histoires, de toucher les gens et d'y aller de la manière la plus sincère possible. Clapiche est un mec qui m'a influencé dans tous les sens. C'est une force tranquille qu'elle a, qui oui, dirige comme ça. Oui, non, le personnage peut sourire. Il peut être, ouais, t'as raison, ouais, vas-y, carrément, on va essayer. Albert Dupontel, le mec est ultra dynamique. Ouais, on va faire comme ça. Tiens, va... Ok, une prise. Oh, ouais, c'est bon, c'est... Non, c'est bien, parfait, parfait, parfait. On enchaîne, on va faire le avec plan des voyés dans les interviews de dans un truc. Je fais, et par exemple, il faut faire ça, vous voyez, parce qu'il faut faire un machin, et puis l'action, elle est comme ça, vous voyez. Oui, c'est vrai qu'il y a une. Je vais faire vite. Mais non, mais il est hyper énergisant, dynamisant, et surtout, c'est des gens qui, moi, je mets toujours à une step au-dessus, et eux m'ont toujours considéré à leur égal. Et je trouve ça d'une humilité extrêmement belle. De et dire, puis ça fait du bien en tant qu'être humain, je pense. Bah ouais, de dire ah, je peux grandir et rester quelqu'un de bien. Tu lui dis, tiens, j'ai, tu vois, Shabba, je lui dis, ah, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses de ça? Il dit, ah ouais, vas-y, on le fait. Trop bien. Oh, oui, parce que pour les gens qui ne le savent pas, tu apparais dans un petit rôle dans un petit guest dans Santa. Dans Santa et compagnie. Qui était vraiment, on a fait une petite connerie qu'on a fait chez Shabba, quoi. C'est trop marrant de le faire. Il m'a appelé, il m'a dit, tu veux faire une connerie? Je lui dis, ouais. Direct quoi, ouais, ouais, carrément, viens, on va faire, ce sera drôle. Il faut vraiment qu'il refasse un Astérix avec toutes ces. Parce que moi, j'ai vu Santa et compagnie que j'ai adoré. Et Santa et compagnie, ce que j'ai encore plus qui m'a touché, vraiment. Je me dis, putain, il a été tapé dans la dernière génération de comiques qui fait des trucs quoi. Donc il y a Kian, il y a VDB, il y a le Palma Show. Y a... Tu dis, putain, c'est cool. Il y a Bruno. Il est méga fraîche, le gars. Ouais. Et je me dis, putain, s'il refait un Astérix, peut-être il ira vraiment taper grave dans toute cette génération de gens talentueux et j'aimerais trop quoi. Donc ça prouve qu'en plus il y a des gens à l'écoute quoi de ce qui se passe actuellement. Et Santa, faut rester jusqu'à la fin du générique. Ouais. C'est vrai. Mais Pef, ça m'a fait ça aussi pour avoir travaillé pour le coup. Il est venu dans un sketch à moi. C'est trop bien de voir des gens qui sont à l'écoute en fait, des gens qui se disent ouais vous êtes plus jeunes que nous, vous êtes un peu pas la nouvelle génération, mais en tout cas une nouvelle génération d'humour et on est super intéressé par ça. Ouais. Ça c'est moi, les peu que j'ai rencontrés, que ce soit Jonathan Lambert, PF, ou même j'ai croisé Shabba, c'est ce qui en ressort, quoi. C'est des gens qui sont super intéressés par ça. C'est une clé pour ne pas devenir ringard aussi. Du jardin aussi qu'on a pu rencontrer. Ouais. C'est des gens qui sont super intéressés par ah ouais, vous faites ça, ah, c'est cool ça, bah viens, on va regarder. Enfin, je crois qu'il adore, PF, les gens du web parce que il m'avait dit, c'était suite à. Enfin, il vous avait rencontré avant et il m'avait dit nous les Robin des Bois, si on n'avait pas eu Canal, on aurait été sur internet, si on avait pu quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est il se projette et c'est là qu'il n'y a pas de mépris quoi. Ah non, c'est super, c'est des gens géniaux. Et voilà, bah écoutez, je pense que c'est la fin de ce podcast tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire des films moi d'ailleurs oui non c'est ça que je voulais dire parce que pardon ça m'a traversé l'esprit mais je le redis parce qu'on va pas je pense pas qu'on va faire un podcast spécial les films de l'année les films qu'il faut aller voir vu en 2017 mais tu parlais de Clapiche et Ce qui nous lie est un film qui m'a scié alors moi peut-être perso j'ai des trucs à gérer parce que c'est vraiment un film sur une relation d'un père et ses enfants en Bourgogne avec beaucoup de vin toi et t'as donc... des bonnes daddy choses toi oui non mais là c'est la Bourgogne c'est tout ils disent des villes dans lesquelles j'ai grandi donc je pense que ça m'a beaucoup trop touché mais j'ai... Il s'appelle Flaubert, le personnage. Le gars s'appelle Flaubert. Ça, c'est oufissime. À un moment, il y a Clapiche dans le plan qui dit au fait, Flo, c'est toi. C'est toi qu'on parle. Donc, c'était très bizarre quand même. Parce que voilà. J'ai dédié à toi au début. Au début, c'est à dédié à Flaubert. des podcasts. Mais j'ai adoré ce film. Et je suis un grand fan de Pio Marmaille. Et d'ailleurs, Ken, j'en profite d'être avec toi pour te le dire. Je trouve que dans Nos Futurs, de Rémy Besançon, vous avez des scènes de comédie avec Pio et l'autre comédien, pardon, Pierre Rochefort, qui sont incroyables. J'étais adoré dans ce film. Je l'ai déjà dit, mais regardez-nous, donnez une chance à ce film qui n'a pas été assez vu, Nos Futurs, qui est un très bon film. Très sensible de Rémy Besançon. Très beau film et avec des comédiens ouf dedans. Il y a plein de gens. Il y a Camille Cotin qui est aussi dans Calls d'ailleurs. Il y a Laurence Arnay. Enfin, il y a plein de Camille gens Cotin. Et puis des gens qu'on ne connaît pas forcément les noms, mais qui sont extraordinaires dans ce film. Et donner une chance à ce film qui est vraiment très drôle et très touchant. Voilà, je voulais dire parce que j'adore ce film. C'est une vraie. C'est un diamant brut. Il est incroyable. Il est brut. Trop, lui. Il est complètement brut. J'espère. Je rêve il un jour d'un film où il joue ou d'une série ou je sais pas quoi où il joue le grand frère de Jérôme Niel. Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu physique et même dans l'énergie un peu. C'est un peu la même personne à quelques années de différence. Non mais c'est vrai. Il a ce côté très Patrick Devers. Tu vois, je trouve qu'il a un côté très. Allez, on y va, on fait la prise. Il a ce côté très acteur à 2000%. Il réfléchit et quand il joue, il réfléchit plus quoi. Il joue quoi. Il est dedans quoi. Mais il lâche prise. Il est trop là quoi. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Ah non, refais un petit tour. Pardon, Alison. Quoi? Ton actuel. Quoi, putain, je dormais là. Frappe avant de rentrer. Comment est-ce qu'on peut. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quelle est ton actu qu'on pourrait promouvoir à travers ce podcast qui fait quand même un peu d'audimat? Ah, c'est vrai. Eh bien, vous pouvez me retrouver le mercredi dans la bande originale de Nagui sur France Inter et dans Gaston en avril. Ok. Et, voilà. Et peut-être un truc sur Canal. Inch'Allah. Timothée Hochet. Oh bah, on voit partout ce salon. Si vous êtes à Paris, vous en avez entendu parler. Ah, ça, c'est dégassoir. Ça, vous êtes à Paname, alors il y a des affiches partout. Le mec, il fout des cabines téléphoniques au milieu de Châtelet. Saint-Lazare. Saint-Lazare, d'ailleurs, pardon. Ah, mais non, ça sort quand Ah, la semaine prochaine, ça sera peut-être. Ah, plus... tant pis. C'était du 12 au 14. Non, bah, du coup, la semaine prochaine, bah, du coup, il y a Coles qui sort en ce moment sur Canal Plus Décalé. Est-ce qu'on peut le redire épisodes... d'ailleurs pour les gens, puisque là, on fait comme si tout le monde est au courant. Est-ce que tu peux dire peut-être en deux mots ce que c'est Coles? Oui, bien sûr, c'est vrai. Coles, c'est une série donc, qui sort sur Canal Plus Décalé le 15 décembre, donc qui est déjà sûrement sortie. En tout cas, à l'époque. Oui, sur MyCanal, oui. Ouais, sur MyCanal, il y a tous les épisodes. C'est une série sans images. Donc, le principe est simple. On a retrouvé 10 enregistrements audio et on n'a pas retrouvé les images avec. Donc, c'est 10 histoires différentes, 10 épisodes. Ça dure à peu près 10 minutes chaque épisode, 10-13 minutes. Plutôt dans l'effrayant fantastique. Dans l'effrayant fantastique, voilà. Un peu de science-fiction, un peu de drame, un peu de thriller. Ah oui, quand même, un peu du drame aussi. D'accord. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Okay. Bon, voilà. Bah, trop bien. Et c'est tout. Non, c'est déjà bien. Non, mais on peut le dire, c'est vraiment ton bébé avec ton pote Norman. Ouais. Norman Tonnelier. Comment la voir cette série? Il y a 2 épisodes sur YouTube. Il y a 2 épisodes sur YouTube, normalement peut-être un 3e qui va arriver. Et donc, ça sera sûrement sur la chaîne de Canal+, sur la chaîne YouTube de Canal+. Donc, allez les voir sur cette chaîne. Ah, et bien. Sinon, sur MyCanal, il y a tous les épisodes si vous êtes abonné à Canal. Et voilà. Aussi, peut-être qu'on peut conseiller aux gens, peut-être qu'ils ne le feront pas, mais... matez pas forcément ça dans le métro, ouais. Sur vos chiottes. Ouais, ouais, essayez de mater ça sur un sur écran. Sur les chiottes, c'est un bon délire. Non, mais en tout cas, dans le noir, c'est cool. Et sur une télé, c'est encore mieux avec des enceintes cool. Mais avec un casque même, avec un casque sur un iPad ou sur un ordi. T'as fait un vrai traitement du son. T'as fait un vrai traitement du son pour qu'on l'écoute au casque. Ouais, avec Norman Tenier, le directeur artistique sonore, on a vraiment. Bah, c'est un vrai travail sur le son constant et tout passe à travers ça. Et on a essayé de faire en sorte de dire que voilà le. On peut raconter cette histoire. J'ai entendu le mot binaural. Qu'est-ce que c'est le binaural? Non, mais oui, c'est vrai. Il y a c'est pas juste enregistré, genre écouter. C'est enregistré de manière à ce que le son soit vivant autour de vous. Exactement. Bah, alors ça, c'est surtout pour un épisode, donc d'accord. Le tien d'ailleurs. L'épisode 2, si vous le regardez sur YouTube et seulement sur YouTube, sur MyCanal, c'est pas le cas. Sur YouTube, c'est en binaural. Donc c'est-à-dire vous mettez un casque et tout le son est spatialisé. Donc, il y a le personnage principal incarné par Ken Kojandi qui est au centre et tout le reste est autour de vous et se déplace selon le scénario. Et il y a même un monstre à un moment donné, on l'a spatialisé, ça passe derrière vous. C'est chouette. Voilà. Donc, il y a tout. Comme un peu The Barber Shop, tu te rappelles ce truc sur YouTube. Allez, écoutez ça, The Barber Shop sur YouTube. 3D Sound. Ça veut dire qu'il faut avoir genre un home cinéma pour entendre ça, non? Non, pour le coup, faut vraiment le mettre au casque. Ah, d'accord. Ça, c'est un truc qui... Mais l'épisode diffusé en télé, l'effet n'est pas là, du coup. Ouais. On a fait 2 mix, en fait. On a fait un mix vraiment pour YouTube et un mix pour la télé. Un vrai, vrai travail de fond, quoi. Ouais. Très bien. Sur le son. Will dance. Je suis désolée. Oui, non, mais n'oubliez pas. J'avais besoin de le dire depuis. Mais n'oubliez pas, passer le mur, d'ailleurs, du son. Enfin, ça, on peut le dire aux gens. Mon bon Kian. Ouais. Quelle est ton actu? Je crois que tu as encore quelques dates de spectacle, peut-être même plus d'ailleurs quand l'épisode sortira. Quand les gens l'écoutent, ouais. On est minimum le lundi. Oh merde, je suis nul en calcul, j'ai fait L. 14, 15, 16, lundi 18 à peu près. Alors demain, je fais ma dernière à Bruxelles. D'accord. T'es fort. Waouh. Tous les dates en tête. Je fais ma dernière à Bruxelles, je termine ce spectacle avec 200 dates. Je suis très content. Si on s'arrête, donc je vais me consacrer à le mettre en vidéo pour le partager avec les gens. Je vais repartir un peu. Ah, il y a le 24 janvier, il y a un film qui sort sur le cirque qui s'appelle Sugarland. Exactement, j'allais te lancer dessus. Ouais, c'est un film extrêmement drôle, surtout très, très moderne. Un documentaire. J'ai fait la voix du héros, c'est un Australien qui l'a fait. Et j'ai fait sa voix pour l'adapter en français. Donc, j'ai un peu aussi réécrit les textes de la voix et j'ai essayé d'apporter un peu ma patte. Ouais, ma patte. Ouais. C'est un super documentaire. Vraiment, c'est un coup de foudre. C'est un truc hyper utile, très nécessaire. C'est quelque chose qui peut vous aider aussi de manière générale à mieux comprendre ce que vous mangez. Pas forcément culpabilisant, mais justement, c'est progressiste. C'est pas du tout négatif. Ouais. C'est ce dont on a besoin, c'est inspirant. Ouais. C'est pas exaspérant. Et puis à ça, puis sinon je retourne un peu en jachère d'auteur. Donc je vais écrire beaucoup en 2018, écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais me recentrer sur mes projets, mes prochains projets, pour repartir devant les terres à la caméra. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez, ou sur. Je suis beaucoup sur Instagram en ce moment. Je raconte un peu beaucoup les choses. Instagram, sur Facebook, si vous voulez que m'écrire. Bah, n'hésitez pas, on reste en contact. Bah, on te réinvitera aussi, de toute façon. Et je te remercie aussi. Pardon, j'ai l'impression vraiment d'uniquement de sucer, mais en tout cas, tu as été très gentil. Tu as parlé de ce podcast dans Click. Ah oui, et bah c'est oui. Cool, ça nous a forcément ramené des gens. Donc, bah, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir de voir ça quand tu étais rédac chef de Click. Voilà. Parce que tu m'as cité à côté d'Edouard Baird. Ça, c'est toujours. Et de Mein Kampf. Et Mein Kampf. Et Timothée, t'as fait Edouard Baird aussi, toi, salaud. Putain, t'as fait Edouard Baird. C'était super, ouais. C'est carré, quoi. On arrive à 7h40. C'est parti, 3 minutes. Merci. Et ils sont adorables. Ils sont. Ah bah oui, moi j'adore cette émission. Si vous êtes... Parce que souvent on me dit tu conseilles Flo des podcasts. Je fais moi en vrai, je suis pas ultra calé en podcast, mais franchement, les 20 minutes, enfin le best-of d'Edouard Baird, les 20 minutes d'Edouard Baird, c'est trop bien. Ils l'ont continué. C'est toujours 20 minutes là. Ouais. Ça existe encore. Ah, c'est un best-of en tout cas. Je sais pas si ça fait tout le temps 20 minutes, mais en tout cas, il y a un best-of à chaque fois. Bon, et ben merci beaucoup. Et écoutez, merci à toi. Encore merci d'être venu. Et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. T'es trop sympa. Puisque te voilà, te voilà.